Offrande à la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Ça fait une éternité. Bonjour. Ça faisait une éternité, on ne s'était plus vu. Bonjour, bonjour, frère Junior. Je suis fier de vous regarder, de vous voir ces jours-ci. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Ah, le mari de la sœur Anne Goba, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va. Mais la sœur Anne, ta femme, elle est où? Elle est en train d'intercéder au temple? Elle me quitter, elle a sauté. Ok, ok, la sœur, bonjour. Bonjour, frère Junior. Comment tu vas? Ça va un peu. Ça va. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Mmh. On va directement. La sœur Kétia, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Chez la sœur, j'ai tout là, je crois que c'est la maternelle là-bas, je ne sais pas où ça se trouve. Il y a une maternelle. Il y a une école maternelle chez quelqu'un là, je crois que c'est la sœur, j'ai tout. Oui, merci d'avoir fermé le. Donc la sœur Kétia, comment tu vas? Bon, ça va. Beaucoup de courage. Tu n'as plus rêvé que tu étais en Iran, tu voulais sortir, tu n'as pas eu le visa. Non, non. Ok. Bonne arrivée et bon dimanche à vous. La sœur Laetitia, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? C'est un succès. Oui, oui. Le frère Emmanuel Yoba, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour frère Julien. Ça va? Il fait assez froid chez toi aujourd'hui, c'est ça? Que le Seigneur te fortifie et qu'on se réchauffe dans la parole de ce matin, d'accord? D'accord, merci. Bonjour et bienvenue, installe-toi confortablement, dans quelques instants ça va démarquer, d'accord? Le frère Guy Richard, bonjour. Le frère Guy Richard, il est là. On passe à la sœur. La sœur Yolande, non, la sœur Yolande a fait un tour à la cuisine. Le frère Achille, le couple Achille. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour, tout le monde. Comment vous allez? Nous allons bien, nous allons bien. Je crois que l'école maternelle, c'était vraiment, vraiment chez toi. Bon, on passe à qui maintenant? Le frère Mamadou Kamagate, bonjour. Bonjour, frère Junior. Ah, on voit l'enfant. Apparemment, il te ressemble beaucoup plus. Hein. Ouais. De quoi on a causé. Je suis content de vous. Oui, je suis tout ému, n'est-ce pas? Je suis content de vous rencontrer encore. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas où je passe là maintenant. Je vais, on va. La soeur Paul Gertrude, bonjour et bienvenue. Voilà, elle fait seulement ça parce que si elle ouvre son micro là, vous allez entendre seulement le bruit en fond. On passe à Nafissa Lâché, bonjour. La soeur Nafissa, bonjour. Chez la sœur, la fille, ça également, c'est souvent la maternelle. Vous les voyez, vous avez trois enfants qui sont sur la photo. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, frère Signor. Bonjour et bon dimanche. Le frère Pierre, bonjour. Aujourd'hui, tu n'as pas bougé, tu es vraiment fixe. Maintenant, on aura le bon moment de travailler. Et je crois que si les sœurs ont des questions, c'est toi qui vas nous aider à résoudre aujourd'hui parce que toi, tu es fixe aujourd'hui, n'est-ce pas? Le seul Banganté de Paris, bonjour. Bonjour. Le frère Julie, le frère et sœur Gabo. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Bonjour, ça va? Non, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Yannick de l'autre côté à l'extrémité, bonjour. Bonjour, shalom à tous. Tu n'es pas allé à l'église ce dimanche? Je suis avec l'assemblée. Il faut qu'on comprenne ça chaque fois, n'est-ce pas? La sœur Esther Diane, bonjour. La sœur Esther Diane, la sœur Diane Esther ou Esther Diane? Diane Esther, bonjour. Je crois qu'en ce moment-là, elle va se reconnaître. Bonjour, bonjour. C'est Esther Diane ou c'est Diane Esther? Mieux, c'est Esther. Courage. Ici, on n'a pas peur. Ici, on n'a pas peur de contagion. On avait tout en commun. Donc, la sœur Esther Diane, comment tu vas? Pas très bien, alors je suis debout. Beaucoup de courage, d'accord? Merci. Je crois qu'une bonne tasse de tisane avec un peu de citron, made in Cameroun, avec un peu de sucre dedans, ça te fera du bien ce matin, pas vrai? Oui, j'ai une bronchite en fait, donc je suis sous l'antibiotique, et ça va. Beaucoup de bonjour courage. À tout le monde. Bonjour. Beaucoup de courage. Ah, tout à l'heure. La soeur Yolande Bibiche, bonjour. Oui, bonjour. Ça, bonjour. Ça va, c'est moi. Trop de combats cette nuit, n'est-ce pas? Un petit peu, ouais. Il y a la victoire qui se profile à l'horizon, d'accord? Ne crains pas. Je crois que nous avons fait le tour. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. La soeur Laetitia, oui. La soeur. Le frère Guy Richard. La soeur Marie-France Sophie de Paris. Bonjour. Je ne sais pas si elle nous entend. La soeur Marie-France, tu nous entends? On ne te voit pas. Allô, la soeur Marie-France, tu nous entends? Fais-nous aussi, du côté des boulevards. Alors, comment a été votre semaine? Je ne sais pas pour nous. Merci déjà pour votre prière d'accompagnement au nom. Je crois que vous aurez des nouvelles sur Bamba Iba. Et là, vous allez en juger de ce que le Seigneur a fait là-bas au travers de votre prière. Amen. Donc, si on avait assez de temps, on devait partager l'extrait vidéo. Vous devez voir un peu ce qui s'est passé là-bas. Quoi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je suis à votre service ce dimanche. C'est que Dieu vous bénisse et qu'il comble tous nos besoins et qu'il réponde à toutes nos attentes aujourd'hui. Nous sommes unis en son nom et par son esprit, tout simplement. Quel que soit le lieu où on se trouve, dans quelque maison que ce soit, la distance n'est pas une barrière pour lui, mais la distance est souvent une autre façon et une autre manière pour lui pour manifester sa puissance et aussi faire connaître sa bonté et sa miséricorde dans la vie de tous ceux qui l'aiment. Comment je suis à votre service maintenant? Quelqu'un a-t-il des questions, des témoignages, quoi que ce soit, vous êtes servi aujourd'hui. Je crois que vous devez commencer par les questions, parce que j'avais une question. Ma question se reporte, frère Junior, sur le psaume 150, le verset 6, et le psaume 33, le verset 1, par rapport à la loi. Oui. Donc j'avais un peu une petite interprétation à ce sujet-là, que quand Dieu dit que tout ce qui respire loue Yah, n'est-ce pas? Oui. Et le psaume 33, le verset 1, il dit, il parle plutôt là des justes. La louange, sa louange est réservée aux justes. Donc je voulais un peu comprendre ce que c'est. Enfin, j'ai un peu cette incompréhension dans la situation. Voilà. Je crois où est le frère Pierre tout à l'heure là. Le frère Pierre est où? Ah, il est là. Frère Pierre, la question. Voilà la question qui est servie. Qu'est-ce qu'il a? Il a. Donc le frère le frère Christian veut savoir pourquoi on dit qu'un temps c'est tout le monde qui doit réussir, que tout ce qui respire doit louer. Et puis on dit de l'autre côté que ce sont les justes, que la loi s'est réservée aux justes. Donc il veut savoir que c'est paradigme et cet énigme. Oui, frère, pour ma part, je pense que la question est liée à la prédestination. Hein. Oui. C'est-à-dire que Dieu a choisi avant. Oui. Voilà. Donc, après maintenant, c'est tout un développement. Oui. Qui est... voilà. Donc, c'est ce que moi, je pense par rapport à la question. C'est pas fait volontaire des personnes qui sont prédestinées. Essaie alors de développer. Là, je ne sais pas comment je peux développer, parce que c'est une question de... je ne sais pas comment je peux développer ça. Mais je sais que quand le Seigneur... nous prédestine, il nous donne la possibilité de faire des choses par rapport à ce qu'il veut. Oui. Même si parfois ne marchons pas exactement comme il veut, mais le moment, c'est-à-dire qu'en son temps, il nous permet de faire. Je ne sais pas comment je peux développer ça pour l'instant. Ok, c'est bon, c'est bon. Le frère Achille, des propositions? Non. J'ai plutôt d'autres questions encore, mais pas relatives à ça. Donc, ok, tout à l'heure, tu vas poser la question. Le frère Christian, là, il va répondre. Allons-y dans le livre des psaumes, justement. Prenons le psaume. Je vais prendre quelque chose, là, et on va. Le frère Guérisha, il est là, déjà. Et la sœur Marie-France, ce sont les deux côte à côte qui n'ont pas encore répondu à l'appel. New salutations des Douala au Cameroun. Allô? Voilà, bonjour et bienvenue, le frère Guérisha. Ça va? Prenons le psaume 104. Le frère Yannick, si tu ne parleras pas, tu coupes ton micro parce qu'il y a des bruits chez toi. Merci de le faire. Dans le psaume 104. Et j'aurai une question après. Oui, quand tu vas vouloir poser la question, tu ouvres le micro. Donc, si vous avez des bruits chez vous, les bruits de fond chez vous, c'est mieux de fermer le micro. Quand vous voulez parler, vous ouvrez. Donc, la France dans la sainteté, je suis content de vous voir ce matin. Nous aussi, frère. Amen. Vous m'avez manqué. Voilà, le psaume 104, verset 21 à 29. Quelqu'un peut-il lire? Je lis. Les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève-t-il? Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Alors l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Oh Yahweh, que tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Cette mer grande et spacieuse. Là où des animaux sans nombre se meuvent, des petits avec des grandes. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour y jouer. Ils s'attendent tous à toi afin que tu leur donnes la nourriture en leur temps. Quand tu la leur donnes, il la recueille et quand tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Caches-tu ta face, ils sont troublés. Retires-tu les esprits, ils défaillent et retournent dans leur poussière. Voilà. Amen. Donc, nous voyons effectivement au verset 21, là, on dit le lionceau. Vous m'entendez? Non. Merci beaucoup. Donc, le verset 21 de ce psaume 104 nous donne le renseignement que les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Donc, ça veut dire que quand on entend les lions font ils ont des requêtes qui sont en train de donner à Dieu. C'est ce que la Bible nous déclare. Mais dans notre langage à nous articulons les mots pour nous comprendre. Mais eux, la Bible nous donne le renseignement, c'est que quand les lions font ces choses-là, ils demandent à Dieu leur nourriture. Très souvent, nous entendons les oiseaux. Vous avez des oiseaux à vos côtés qui sont sur les arbres. Ils font des chants, des cris, tout en chantant. Vous et nous ne pouvons pas entendre, à moins que Dieu nous ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que disent ces oiseaux. Mais les oiseaux sont en train d'exprimer des louanges, effectivement, à Dieu. Donc, quand dans cette psaume, Dieu dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dieu a fait toutes ses créatures et mettre la marque de sa signature en cette créature-là. L'une des principales choses, c'est l'adoration envers le Créateur. Et donc, tout ce qui respire, effectivement, loue Dieu. Mais maintenant, dans la création, dans l'ordre de la création, ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui ont été créés pour sa gloire, comme le Éphésiens chapitre 1, si vous lisez le verset 11 à 12, le 10, effectivement, ceux qui s'est racheté à la rédemption pour servir à la louange de sa gloire. C'est effectivement la nouvelle création. Prenons le livre des Romains, là, pendant qu'on y va, vous allez voir effectivement ces choses-là paramétrées dans Romains chapitre 2. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire rapidement, chapitre 2 de Romains. J'espère que je ne suis pas encore venu avec la vitesse là. Donc je vais aller vraiment doucement, doucement. Donc il est question ici du fait que Dieu a mis sa signature dans la création. Les plantes, les ondées louent le Seigneur effectivement. Mais la louange qui vient de Dieu, remarquez très attentivement, la louange du juste en réalité vient du Seigneur. C'est-à-dire que c'est sous l'inspiration de la grâce. Donc, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui chante au travers de ceux-là. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre des Romains au chapitre 2. Le verset 29. Lequel verset? Le verset 29. Si vous voulez, vous prenez le verset 28 et 29. 28 et 29. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc nous voyons effectivement que nous prenons juif ici au sens littéral de quoi? Au sens de la nomenclature biblique. Et au sens de cette nomenclature, on voit effectivement que les juifs, le peuple d'Israël, avaient été choisis par Dieu pour manifester ses oracles. La sœur Ophélie Thoreau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Bientôt la Camerounaise. Mais c'est encore pour longtemps. Donc, nous voyons donc dans ce passage du chapitre 28 et 29, les Juifs ont un accoutrement. Et Dieu avait choisi le peuple juif, le peuple d'Israël, pour manifester sa loi. Et c'est dans cette loi, justement, qu'ils chantaient. On voit effectivement comment les gens partaient au combat. Dieu avait donné l'ordre avec les cymbales retentissants de chanter, de souffleter les trompettes pour que Dieu puisse entrer dans le camp de l'ennemi. On voit comment David a organisé les chantres avec les fils de Kehath, Merari et autres là-bas pour pouvoir jouer devant le prophète Jedutum et tous ces prophètes-là qui jouaient devant le Seigneur. Mais ils jouaient à la lettre selon le rythme du ciel en réalité. Mais ici, Dieu dit clairement que le but de cela, c'était pour annoncer une circoncision, un style de juif qui va venir de l'intérieur. Parce que là, c'était le juif extérieur. Maintenant, il y a une circoncision qui vient, non pas des hommes, pas de la main d'homme, mais de l'intérieur du cœur. Puis, l'apôtre Paul conclut que la louange de ces juifs-ci ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui chante au travers de lui. C'est-à-dire un corps converti. Un corps converti et traité par l'Esprit de Dieu, parlera avec l'Esprit de Dieu et communiquera l'Esprit de Dieu. C'est donc pour cela qu'en réalité, on peut pas faire la volonté parfaite de Dieu sans esprit. Le frère Mamadou, il y a des bruits chez toi. Donc, ça, sans esprit de Dieu, on ne peut pas faire quoi que ce soit, lui donne quelque chose qui lui est effectivement entièrement agréable. Donc vous voyez qu'il y a la volonté permissive même de Dieu dans la louange et la volonté parfaite de Dieu dans la louange. C'est donc pour cela que le Nouveau Testament va donner à plusieurs reprises, notamment dans le livre de Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17, puis Éphésiens chapitre 5, les versets 18. Il faut qu'on loue sous l'inspiration de la grâce. Je crois qu'il faut qu'on y va. Allons dans Éphésiens chapitre 5 là. Éphésiens chapitre 5. Donc le frère qui sait, j'espère que tu m'entends très attentivement. Je comprends parfaitement. Donc il y a la louange qui est selon la perfection de Dieu. Exactement. Et il y a la louange qui est permis. De toute façon, si je comprends bien l'anecdote, en fait, c'est que la création ne peut que le louer, quoi. C'est normal. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, pendant que vous allez retrouver votre Éphésiens au chapitre 5, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle dans le livre de Luc au chapitre 6, remarquez très attentivement comment il fait. Il dit, si vous aimez seulement, en donnant les différentes injonctions là, il dit que aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous voyez. Et là, il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, de quel gré vous en sera-t-on? Les païens font aussi de même. Or, vous remarquez très bien que les païens sont exclus de Dieu, mais Jésus-Christ explique là qu'il parvient à aimer. Oh, l'amour ne peut pas provenir de Satan. N'est-ce pas si vous saisissez? Il dit, malgré qu'ils sont païens et qu'ils s'aiment entre eux, ils s'aiment entre eux malgré qu'ils sont païens du côté de Satan. Or, l'attribut de l'amour ne procède pas du Satan. Vous voyez que même que vous soyez du païen ou quoi que ce soit, déjà même que tous les esprits, que ce soit l'esprit d'un sorcier, d'un fils de Lucifer, proviennent de Dieu. Donc, vous voyez que Dieu a mis sa signature dans tous les êtres pour que tout crie à lui et cherche leur éternité. Et par conséquent, vous voyez, la Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Comment Dieu qui est bon, il fait pleuvoir sur les justes et les moins bons? Dans le champ même, on voit les herbes qui vont être préjetées. De quoi? Et puis la nourriture qui doit donner la nourriture, quoi, la semence qui doit donner la nourriture aux gens aimés par Dieu. Et vous voyez comment Dieu fait pousser, et dans le champ du méchant et dans le champ du bon, les mêmes choses, et donne à provision pour qu'ils puissent manger. C'est pour montrer que toutes sont ses créatures, et Dieu a mis cette signature. Vous allez voir quelqu'un même qui déteste Dieu. Quand subitement il y a un accident ou bien un choc, il dit « Oh mon Dieu !» Il ne dit pas « Oh mon... » Personne ne dit « Oh mon Satan !» Même un marabout. Personne ne dit cela. Par réflexe, il dit « Oh mon Dieu !» Même, il dit bien, même un marabout, même une sorcière le plus apparenté, ne dit pas « Oh, Satan !» Jamais. C'est, le cri, c'est « Oh, mon Dieu !» Même les francs-maçons, vos présidents et autres, quand ils s'expriment, ne disent pas « Oh, mon Satan !» Non. Vous n'avez jamais entendu cette exclamation. C'est « Oh, mon Dieu !» Donc, par réflexe, l'esprit qui est à l'intérieur crie à Dieu. Vous voyez cela? Parce que c'est la marque du Créateur. C'est la marque du Créateur. Éphésiens chapitre 5, donc, le verset 18. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Oui, continue maintenant, verset 19. Verset 19. Entraînez-vous par des psaumes, des énigmes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Donc vous voyez effectivement que c'est là que ça va se passer. La sœur Loris, bonne arrivée. Bonjour, bonjour. Je vais juste te dire bonjour parce que je ne pourrais pas être connecté. Je travaille ce matin. J'ai pris le Seigneur que les neiges soient dehors, comme ça tu ne sors pas. Comme ça tu sois avec nous. Pardon? Il faut que le Seigneur fasse descendre la neige, non? Comme ça tu ne sors pas. Non, non, non, c'est fini. Le Seigneur m'a fait grâce. Il n'y a plus de neige, c'est fini. Ok. Donc... C'était juste pour vous saluer, vous souhaiter bon dimanche. Que je ne pourrais pas être avec vous, mais je vous aime de tout mon cœur. Donc je ne sais pas si vous me voyez, hein. On te voit seulement en Kabbalah, moi comme la sœur Julie. Ah, bon. La caméra n'est pas mise, alors. Oui. Il y a pas de, tu n'as pas mis ta caméra, donc on ne te voit pas du tout. Bon, je ne vais pas vous perturber, hein, donc vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. Et on aura... Amen. On aura d'autres occasions. Là, je suis... En plein. Pris par le travail. En pleine activité. Mmh. Courage. Pardon. Tu es pris par le, tu es prise par Merci. Le travail. Donc que le Seigneur te fortifie. Et souviens-toi que quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, fais tout exactement comme le Seigneur était présent, d'accord? Amen. C'est ce que je fais, frère. Merci. Mmh. Je fais ça? Encore plus tous les jours. Pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Et ça se manifeste, ça se voit, les fruits tombent. Amen. Amen. Amen. C'est les gens Amen. Qui parlent d'eux-mêmes. C'est même plus moi. Hein, donc. Alors. Là, quand je sors, je rends grâce. Il y a plein de témoignages tous les jours. Waouh, c'est trop fort. C'est. Je crois que dimanche, je manque de mots. Je crois que dimanche prochain, plaise au Seigneur, tu pourras en témoigner. Il faut qu'on. J'espère de tout mon cœur. Il faut qu'on respire comme la Bible dit, qu'on respire la bonne odeur de Christ partout où on va, le parfum, on dégage le parfum de Christ, pour que ça produise la vie chez ceux qui étaient morts, n'est-ce pas, ma soeur? Exactement. C'est ce que c'est en train de faire, exactement. Mm. Franchement, Dieu est vivant, hein, mes frères et sœurs. Vraiment, nous avons choisi la bonne part. Faisons tout pour la garder parce que la parole, c'est vraiment la vérité. Hein, le chemin, la vérité, la vie, c'est pas une légende. Tous les jours, je vis cela. Donc, j'en témoigne davantage. Parce que même les païens commencent à croire parce que c'est pas possible de voir quelqu'un qui fait tant de choses pour rien. Et c'est pour rien, pour le Christ. Mmh. On ne s'attend plus à l'homme, on s'attend à Dieu, c'est tout. Amen. En tout cas, qu'il te bénisse, qu'il veille sur toi et qu'il utilise tes mains et tes membres comme ses instruments pour la justice. Et manifeste ta gloire dans tout le monde. Amen. À dimanche, plaise au Seigneur. Amen, frère. À dimanche. Merci. Bon courage. Oui. Que Dieu vous fortifie. Soyez tous bénis. Bonne semaine à vous. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Le frère Christian, la question s'est terminée, n'est-ce pas? Donc, on voit effectivement dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, comment Dieu dit qu'il faut qu'on chante, on s'édifie soi-même en chantant des louanges de Dieu sous l'inspiration de la grâce. Donc, pas dans nos cœurs. Vous remarquez très attentivement le travail qu'on fait ici depuis. Maintenant, écoutez très attentivement par rapport à cela. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père. Maintenant, écoutez très attentivement. Ici, relis encore le verset là, mon cher frère Christian. Relis le verset 19 là, et on va comprendre quelque chose. Entraînez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà, maintenant, regardez. Ah mon Dieu, je veux toujours votre attention maintenant. Regardez, si je dis le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux. Vous voyez, effectivement, j'ai parlé, vous avez entendu, n'est-ce pas? Mais ici, on, ce style de louange, c'est comment on dit qu'on chante cela? Regardez, vérifiez bien votre version. On chante ça comment? Dans le cœur. Dans le cœur, voilà. Donc en fait, vous voyez effectivement que l'adoration en esprit et en vérité, ça commence dans le cœur. Vous voyez la source, n'est-ce pas? Donc ici, ce style de louange, si vous chantez, vous pouvez être là, des situations sont embarrassantes tout autour de vous, mais là, vous êtes en train de chanter, de louer le Seigneur dans votre cœur. Personne ne sait même que tu es en train de chanter. Personne n'entend le rythme ni quoi que ce soit. Maintenant, regardez, vous autres qui avez aimé des musiques dans le monde, vous allez remarquer que vous avez été dérangé quand vous avez commencé. Si vous avez pris le travail que nous avons fait au sérieux, que vous, si vous continuez à faire, vous allez remarquer qu'à un moment donné, les voix sortent pour étouffer ce que vous en devez faire. De même, des musiques que vous aviez oubliées depuis commencent à chanter au travers de vous et chantent en vous. Alors, remarquez très attentivement que cette façon de faire que la musique, les musiques que vous ne voulez même pas chantent en vous, au point où vous comprenez effectivement comme c'était une bibliothèque qui était en l'intérieur de vous qui commence à chanter. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut que ce soit lui qui chante au travers de nous. C'est pour cela que si vous vivez le ravissement, quand vous vivez le ravissement, vous allez de l'autre côté, là, dans l'autre dimension là-bas, ce n'est pas avec cette lèvre-ci qu'on parle. Parce que c'est pour l'autre dimension aussi. Vous pensez quelque chose sur votre cœur, vous exprimez, vous sentez que votre être est en train de parler. Et donc vous voyez effectivement, quand vous parlez de votre cœur, le Saint-Esprit répond. Et donc, le point de contact donc, c'est ce cœur-là. Ici, dans ce matin, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que les louanges qui lui sont agréables, qui sont faites par de son esprit, chantent dans notre cœur. Chantez dans notre cœur. Pour ceux qui ont vécu ce ravissement dont je viens de parler, si vous allez du côté du ciel et que vous avez la grâce que Dieu vous amène au ciel, lorsqu'il y a louange là-bas, ah mon Dieu, c'est invivable. Quand vous êtes là-bas, vous n'avez plus le désir de rentrer. Et maintenant, quand vous rentrez, je me souviens, si vous permettez que je dise ceci de cette façon-ci, je me souviens une matinée ici, j'étais en train de prier avec mon épouse, et subitement, après, je me suis prosterné là-bas pendant qu'il était en train de prier. J'étais ravi et puis il y a un style de louange qui chantait au point où c'est comme si votre cœur peut sortir. Et dans mon être, je savais effectivement que je n'étais pas sur la terre. Je savais parce qu'il savait où je me retrouvais. Et puis là, j'avais comme désir, vous savez comme les hommes pensent à ces choses-là. J'avais comme désir, waouh, ce style de louange, quand je vais arriver sur la terre, je vais écrire, il faut que j'écrive. Donc je savais effectivement que dès que je rentre la première chose, j'écris ce style de louange. Mes chers frères, mes chers sœurs, quelle ne fut pas ma déception lorsque je me suis retrouvé encore dans mon corps. À cet instant-là, même pas une trace des paroles que j'ai entendues là-bas. Même pas une trace. Même pas une trace. Et donc, vous comprenez que la parole des choses qui ne sont pas permises même au langage humain d'exprimer ici-là. Donc, ça, c'est les louanges. Ça, c'est les louanges qui se passent là-bas. C'est-à-dire que, et là, maintenant, quand tu reviens, vous sentez comment votre poitrine est nettoyée. Des choses se passent à l'intérieur de vous. Vous êtes seulement à l'aise. Ces choses-là, oh mon, des questions? Bonjour. Oui. Non, j'ai eu le même truc aussi, en fait. Je crois il y a une semaine de cela. J'étais couché et puis aux environs de 4 heures, il y avait un cantique qui chantait. Mais je ne sais pas d'où ça venait. Mais j'étais en plein sommeil, je ne sais pas d'où ça venait. Mais j'entendais beaucoup Saint-Esprit. Et là, je me suis posé la question. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais... Je regarde où tout j'allume, je regarde autour de moi, je vois rien. Et là, je me suis rendu compte que c'est mon cœur, il y a l'esprit qui était en moi, il y a quelque chose qui chantait en moi. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Oui. J'ai dit, mais j'ai jamais entendu ça. Mais après, j'arrivais pas à écrire ce que j'ai entendu en fait. La seule phrase que j'ai entendue, c'était Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend, je veux t'adorer. Là, j'ai passé une journée, franchement, cette journée-là, franchement, j'étais bien. J'étais bien, j'avais le cœur en joie, j'étais rempli de joie. Vivement que ces choses-là nous arrivent, vivement que ces choses-là nous arrivent. Je crois que le travail que nous avons engagé, le Seigneur permettra que beaucoup d'entre nous vivons ces choses-là. Parce qu'en fait, le chrétien, c'est un citoyen du ciel sur la terre. Et vous savez, quand vous êtes citoyen du ciel, de temps en temps, vous allez rendre visite à l'environnement de revenir au village. Que Dieu puisse nous accorder cela de temps en temps. Parce que très souvent, c'est ce que j'ai pris au Seigneur par rapport à l'église, c'est qu'il donne des espérances spirituelles à l'église pour les fortifier. Sans ces expériences-là, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est question. Vous allez chanter les louanges. Écoutez très attentivement. Les louanges que vous entendez chanter et que sur la terre quelqu'un chante et vous mimez parce que ça vous plaît, ça va rafraîchir votre âme. Mais pour que votre esprit soit fortifié, il faut la puissance du Saint-Esprit pour visiter votre esprit. Si ce n'est pas ça, cette chose-là donne la chair de poule, donne un peu de tenue et même des larmes aux yeux. Mais l'autre, si, quand vous vivez, comme le frère Mamadou a vécu là, c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Et ça, personne ne peut l'effacer. Je prie seulement que le Seigneur accorde ces choses-là à son peuple, comme il a dit, qui va amener ces jeunes gens et les vieillards dans les visions, ainsi de suite. Qu'il nous accorde cela. Soyons seulement juste sérieux avec le Seigneur, vous verrez. Je crois que certains d'entre vous avez le... Frère Gignon. Oui. Frère Gignon, est-ce que c'est le dessin dont... S'il vous plaît, permettez-moi, la lumière a été coupée ici, permettez-moi, il faut que je trouve une solution. Mesdames, là, je ne vous entends plus, le baffle est débranché. Oh mon Dieu. Donc, permettez, je ne sais pas si vous m'entendez. Permettez. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, je crois que le volume va être bas de mon côté. Vous savez, mon baffle se branche, se connecte pour que je puisse vous entendre. Donc, comme on a coupé la lumière là maintenant, ah, c'est pays ici. Donc, un instant, s'il vous plaît. Je crois que. Vous m'entendez? Oh, merci Seigneur. Allons-y. Qui parlait? Le frère HLC. Le frère Yves d'Italie, bonjour et bienvenue. Excusez-moi, bonjour, bonjour. Donc dès que tu te connectes comme ça, on coupe la lumière. C'est toi qui es cet artisan là. Ah non, hein? Oui. Bien aimé frère, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que vous avez vu comment tout à l'heure on avait la lumière tranquillement. Dès qu'il. Il se met en mal à directement connecter, on a coupé la lumière. Ouais. Heureusement qu'on est en pleine journée là maintenant. Donc, nous allons fonctionner avec l'autonomie de l'ordinateur. J'ai encore combien de pourcentage là? Voilà, on a encore 3h19 minutes de connexion. Mais la seule différence maintenant, c'est que je ne peux pas vous avoir entendre véritablement. Alors, le frère Achille, tu es en train de parler? Oui, j'étais en train de parler. Je demandais justement dans le même sens de. Là. Oui. Il y a Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 14 et 15, qui parle de ça. Oui. Ça dit exactement, et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Oui. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Oui. Vous regarderez vos yeux et vous ne verrez point. Oui. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mmh. Ils ont amputé leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Oui. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Oui. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Que je ne les guérisse. Oui. Est-ce de la compréhension du cœur dont justement le Seigneur Jésus parle ici? Exactement. Maintenant, prenons le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Je crois que si vous êtes épuisé d'abord toutes les questions, on voit si, dans quelle direction le Seigneur veut que nous travaillions ces jours. S'il y a des situations, oh mon Dieu, c'est quand il n'y a pas ces bruits-là. La question, ça c'était juste pour rebondir sur ce qu'on est en train de travailler là. Oui, oui. Ma question. Genèse chapitre 5 au verset 22. Oui. Bon, je lisais un peu la Genèse comme ça. Et en fait, dans ma pensée, c'était que tout dans la Bible nous interpelle. Oui. Tu vois, quand je lisais la Genèse, j'ai d'abord fait une première remarque. La remarque, c'était que de Adam jusqu'à Sem, il y a 9 générations. Oui. Et maintenant, de Sem jusqu'à Lot, je crois jusqu'à Abraham, attends, je suis encore. Donc, de Adam justement jusqu'à Sem, il y a 9 générations. Et maintenant, de Sem jusqu'à Abraham, je crois qu'il y a aussi 9 générations. Oui. Donc, je posais la question de savoir, est-ce que justement ces 9-9-là, c'est pour rien? Parce qu'à chaque fois, Terak vient engendrer. Oui. Qui porte, ceux qui vont, le peuple de Dieu, oui. A engendré 3 enfants. Oui. A engendré Abraham, Nakor et Aram. Mm. Et justement, Noé a engendré Sem. Cam et Japheth. Est-ce que tout ça est mis pour rien? Ça, c'était ma première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est beaucoup plus au niveau d'Enoch. On dit, Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est justement là où j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que Enoch a été enlevé? Que signifie concrètement marcher avec Dieu? Voilà, c'est bonne question. Ah, bon, commençons par le premier. Par la première. La question, c'est cette constatation, et tu as posé la question de savoir si c'est mis par hasard ou bien pour rien. Non, rien n'est mis dans votre Bible par hasard. C'est pour ça que tu vas dire qu'il y a des enseignements que quand le Seigneur va permettre qu'on donne, ça risque de chambouler beaucoup de personnes. Donc, nous allons voir dans un autre cadre précisément, ici, si Dieu le permet, les numérologies bibliques et ces ponctuations bibliques-là qui signifient des choses. Vous allez voir effectivement des tournures dans la Bible que, lorsqu'on va lire là, vous risquerez de prendre votre Bible, jeter au loin de vous avant de revenir reprendre par la suite. Et donc, vous voyez effectivement que ces choses, dans Matthieu chapitre 1, par exemple, quand on va parler de la généalogie de Jésus, ils vont plutôt désigner par 40, qu'il y a 14 générations de telle personne à telle personne. Et 14 générations de telle personne à telle personne, de la déportation jusqu'à ceci, retour. 14 générations. La question, c'est pourquoi la personne qui a décrit le livre de Matthieu commence à découper en 14. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, il y a un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur les générations? Et vous lisez le livre de Luc au chapitre 3. La Bible déclare à partir du verset 20. La Bible parle de Jésus en parlant de sa généalogie. On dit qu'il avait environ 30 ans quand il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Cécile, fils d'Élie, et on remonte jusqu'à Adam. Mais si vous suivez très attentivement ces deux généalogies, vous allez voir qu'il y a des différences. Mais maintenant, quand on n'est pas compris dans l'esprit de Dieu, on va commencer à dire beaucoup de choses de la Bible. Mais lorsqu'on se pose des questions par rapport à ce que tu es arrivé là, on comprend exactement ce qu'il en est. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne s'asseoir à côté de vous. Il dit, je vais t'expliquer des choses concernant la généalogie, pourquoi il y a la différence entre le livre de Luc et le livre de Matthieu. Et lorsque le Saint-Esprit vous dit, vous pouvez courir dans toute la maison. J'arrive avec cela. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aller sur YouTube, aller bavarder que non, ceci est comme ça. Quand le Seigneur Jésus dit que les choses que les gens vont enseigner sur sa parole vont rendre compte, ils ne savent pas de quoi il est question. Quand les gens ne connaissent pas, ils lisent, ils croient effectivement que la Bible est littéraire comme ça. Il peut avoir, semble-t-il, des fautes quelque part. Par exemple, vous allez... Voilà, quelqu'un est venu là. La sœur Flora, bonjour. Donc, vous lisez le livre des Chroniques. Ouais. Vous allez lire. Bonne arrivée. Installe-toi confortablement là. Ça me prend déjà. Donc, il faut que j'aille rapidement. Donc, vous lisez le livre des Chroniques, par exemple, vous allez voir des endroits où on a mis point, point, point, sans mettre des chiffres. Et il y a un pourquoi c'est ainsi. Donc, je crois que on va travailler sur la numérologie biblique et ces différents points secrets là des Saintes Écritures. Maintenant, concernant le cas d'Enoch, prenons justement ce livre-là, Genèse chapitre 25, et puis lisons son parallèle dans le livre d'Hébreux. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi marcher avec Dieu. Vous remarquez très attentivement que ce problème marcher avec Dieu, c'est pas seul lui seul qui était dans ce cas-là. Donc, prends Genèse chapitre 5, à partir du verset 14 en descendant. Bon, Genèse chapitre 5, à partir du verset 14. On dit, tous les jours de Kénan, plus de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred, 830 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch, 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Et non, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Oui. Il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà. Merci, c'est bon. Deux questions. Tu as posé deux questions concernant ces passages. Première question, c'est quoi marcher avec Dieu? Ça, c'est la première question. Deuxième question, donc il a été enlevé sans voir la mort. Allons voir la réponse dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Et c'est là où ça... Donc, l'Hébreux, chapitre 11, c'est l'explication des Genèse, chapitre 5, verset 24, dont tu as lu maintenant. Et puis, on va amener cela à la compréhension. Écoutez très attentivement. Préparez-vous au choc. Préparez-vous au choc maintenant. Préparez-vous au choc. Préparez-vous au choc. OK. J'arrive. Donc, si ça choque... Ça choque, mais c'est le bon choc, c'est pas le choc d'électricité. Tout le monde y est. Vérifions que tous les frères et sœurs sont dans l'Hébreu, parce que nous n'avons pas la même facilité de la Bible. Et bon, il y a des gens qui ont fermé leur vidéo, on ne les voit pas. La sœur Kessia peut faire quelque chose. La sœur Marie-France, bonne arrivée. Je crois que ton micro est maintenant ouvert. Et quoi que ça donne un peu maintenant. Tu peux. Quel chapitre, s'il vous plaît? Chapitre 11. La sœur Marie-France, le Seigneur seul est ta force. Tu m'entends? Je crois que c'est là, il faut qu'on impose les mains sur son micro. Alors, Hébreux chapitre 11. Vous y êtes déjà? Le verset 5. Le verset 5. À haute voix, parce qu'en fait, moi, je ne vous entends pas comme mon baffle n'est pas allumé. Ok, j'ai dit Hébreux chapitre 11, verset 5. Mm. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous permettez maintenant que je parle, mes frères? Vous permettez maintenant que je parle? Ok. Écoutez bien, je vais commencer par cette première chose. Première chose, tous ceux qui seront enlevés sauront qu'ils seront enlevés. Amen. Tous ceux qui seront enlevés sauront qu'ils seront enlevés. Qui sont enlevés. Premier choc. Je peux avancer? Frère Georges, c'est à Jésus Christ Télévision. Ici, c'est Bamba Iba. Oui. Oui, j'ai fait une vision ou un songe, je ne sais pas, j'arrive pas à faire la différence. Je ne sais pas, ça a duré peut-être 10 secondes en fait. Oui. Pratiquement 10 secondes. Oui. Je me suis retrouvé quelque part, il y avait moins de personnes, et puis il y a quelque chose qui me parlait. Oui. Comme si, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou bien c'est les anges, je ne sais pas, j'arrive pas à faire la différence. Et il disait, il aura moins de sauver. Oui. Et j'ai entendu fermer les portes. Et je regardais, il y avait moins de personnes. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Oui. Dans la salle. Et j'ai entendu derrière fermer les portes. Oui. Et je me suis réveillé subitement. C'est bon, ça va, mon frère? Oui, ça va. Bon, gardez le livre d'Hébreux. Ouvre le livre de Luc au chapitre 13. Ce que tu viens de dire là, lisons, voir cela. Ils vont voir quelque chose. Je crois qu'il y a un Louis Segond là-bas du côté de l'île Maurice. Le frère, Mamadouta, tu as ouvert déjà? Non, je cherche. Donc, vous voyez que c'est dans le chapitre maintenant là, le frère va prendre en considération. C'est pour ça que je suis patient parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas ouvrir la Bible. Ne ratons pas de vue ce qu'on a commencé avec Enoch là, donc rapidement on va y revenir. Le frère Mamadou, si tu y es déjà, tu donnes le chapitre, le verset. Pas encore. Courage. Donc, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse, ça se trouve quelque part là-bas. Tu peux le retrouver facilement. Entre la Genèse. Oui. Donc, probablement, tu vas trouver, et à 100%, si tu vas trouver Luc là-bas dedans. Tu as trouvé? Non, je cherche, frère. Bon, tu es dans quel livre alors déjà? Je suis dans Daniel d'abord pour le voir. Non, ouvre loin vers la fin. À ce rythme-là, on va finir. L'autonomie de la machine va finir sans que tu n'aies trouvé. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ben voilà, chapitre 13 maintenant. Chapitre 13. Oui. Oui, j'ai trouvé chapitre 13. Lisons le verset 23, toi-même lis le verset 23 à 27. Ou bien si peut-être le frère H peut nous lire le temps que tu surveilles aussi dans ton livre. D'accord. Mm-hmm. Le frère Achille, allons-y. Chapitre 13 du verset 23 au verset 27. Mm-hmm. Un peu à haute voix, s'il te plaît. Ok. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Voilà. Donc, mon frère Mamadou, c'est exactement ce que tu as suivi. C'est cette portion de la Bible-là que tu as vécu dans l'esprit. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Donc, tu as entendu deux choses, qu'il y a peu de gens qui soient sauvés et bientôt que la porte, fermez la porte, fermez la porte. Vous entendez le cri qui est en train de se retentir de l'autre côté là-bas en Hollande, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on se prépare. Ce n'est pas le temps de blaguer sur la tête. Je crois qu'on va y revenir maintenant si le Seigneur permet qu'on nous enseigne là-dessus. D'accord, mon cher frère? D'accord. Ok, maintenant, on peut avancer maintenant par rapport à ce que nous lisions tout à l'heure dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, chapitre 11, verset 5 là. Donc, dans ces Hébreux, chapitre 11, le verset 5, la Bible déclare, c'est par la foi. Gardez-vous à l'esprit, c'est ces mots-ci, ce groupe de mots. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Donc la deuxième réponse est la deuxième chose parce que dans le livre de Genèse, on n'utilise pas le mot enlevé. On dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Dans ce type d'enlèvement-ci, il n'est pas passé par la mort. Vous y êtes? J'espère que la connexion me permettra de dire des choses aujourd'hui. Bon. Maintenant, écoute. Je ne sais pas si vous tous me suivez bien. La question c'est pourquoi Enoch est enlevé au point où, comme le frère Achille parlait tout à l'heure, là, que de telle génération à telle génération, c'est 9, 9 là, et de telle à telle à 9. Remarquez très attentivement, il fait, voici l'une des significations donc. Ouvrez le livre de Jude. Mettez le doigt là, ouvrez le livre de Jude, je vous montre quelque chose. Jude. Jude chapitre, enfin, Jude chapitre 1, verset 11 à 15. C'est le verset 14 qui nous intéresse le plus. Jude, Jude, pas juge. Je crois que la soeur secrétaire on pourra écrire, taper ça sur, dans le forum au fur et à mesure. Parce que pour qu'on n'y ait pas de problème de prononciation. Comme ça, ceux qui ne sont pas connectés plus tard pourront voir et lire les versets que nous avons lus. Donc, Jude, chapitre 1, verset 11 à 15. C'est le verset 14 qui nous intéresse. Il dit quelque chose concernant cet homme-ci. Vous y êtes. J'attends la lecture. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense. Ils ont péri par une rébellion semblable à celle de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Lorsqu'ils prennent leur repas avec vous, sans crainte, et se représentent eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, emportées par des vents ça et là, des arbres au déclin de l'automne sans fruits, deux fois morts et déracinés. Des vagues impétueuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des étoiles errantes et qui à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième homme après Adam, a prophétisé en disant: voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Amen. Maintenant, écoutez toute votre attention maintenant parce que c'est délicat ce que je vais dire. Dans l'enseignement Enlèvement et Grande Tribulation, j'en ai fait état de cela par rapport à Enoch. Et parce que quand il parlait de Grande Tribulation, il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'enseignements au sujet des post-tribulationnistes, pré-tribulationnistes, ainsi de suite, mid-tribulationnistes, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on utilise les types de la Bible, les types, c'est-à-dire que des choses que Dieu a mises dans l'Ancien Testament pour renvoyer à cette certaine image des choses qui devront arriver. Le frère Achille, particulièrement, remarquant très attentivement qu'ici, dans ce livre de Jude, chapitre 1, verset 14, on dit, le frère Jude en train d'écrire, le prophète Jude en train d'écrire, subitement, il dit Enoch. Il signifie Enoch qui est le septième depuis Adam. Donc, il dit, en comptant Adam, de Adam jusqu'à Enoch, c'est ce Enoch dont il en train de parler. Et effectivement, pourquoi il précise le septième depuis Adam? Il pourrait tout simplement dire le prophète Enoch qui fut enlevé. Mais il dit le septième. Maintenant, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer effectivement que de Adam jusqu'à Enoch, il est septième. Et on dit, c'est lui qui a été enlevé. Vous lisez, ah mon Dieu, que ton nom soit glorifié Seigneur. Vous lisez Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Là-bas, on fait état des sept églises. Vous y êtes, n'est-ce pas? Et vous voyez que l'enlèvement a lieu à la septième église. Vous commencez à voir quelque chose? Exactement. Ok, maintenant. Je vais avancer maintenant. Vous allez remarquer très attentivement maintenant que lorsque l'enlèvement a lieu, si vous lisez Apocalypse, le chapitre 3, les deux derniers versets, puis le chapitre 4, prenons cela, allons d'Apocalypse, je vais vous montrer quelque chose ce soir. La France dans la sainteté, bonjour et bienvenue. Amen. Oui, prenez le chapitre 3 d'Apocalypse, vous lisez les deux derniers versets, puis vous commencez au chapitre 4 directement comme c'était la suite. Allons-y. Le frère Mamadou, je crois que Apocalypse c'est le dernier livre, là il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez la promesse, vous voyez la promesse qu'on donne à l'église de l'Odyssée, parce que ça c'est la septième église là. Vous voyez la promesse qu'on donne, parce que quand Christ a vaincu sur la terre, il est assis à la droite du Père. Maintenant ici, c'est que à ceux qui vaincront au vainqueur, il le fera asseoir sur le trône. Donc vous voyez là où l'épouse est enlevée, n'est-ce pas? Parce que l'épouse n'est pas enlevée pour être devant le trône, l'épouse doit être avec lui sur le trône, parce que le roi et la reine doivent être côte à côte. C'est parce que vous saisissez. Voilà, maintenant continuons la lecture. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Après ces choses, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Alors maintenant, voilà qu'il y en a de monter. Après ces choses, vous voyez, une porte fut ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue dit quoi? Voilà, arrêtons-nous là-bas. Donc, vous voyez effectivement que lorsqu'il y a enlèvement, je veux toute votre attention véritablement. Je parle d'Enoch là maintenant. Le Enoch, parce que c'est le type même de l'église enlevée. Si vous lisez votre Bible, écoutez très attentivement mes chers amis. Vous lisez votre Bible, vous avez des problèmes de l'ambiguïté dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, allez dans l'Ancien, vous allez voir ça au clair. Si vous avez l'ambiguïté dans l'Ancien Testament, allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir ça au clair. Dieu l'a mis comme ça. Et donc, Dieu présente les choses dont un type. Quand vous lisez dans les psaumes, il y a des choses que vous pourrez lire dans les psaumes, ça ne vous dit absolument rien. Et puis, un des cinq jours, quand le Seigneur Jésus vient, ça commence à s'accomplir. Vous lisez les psaumes, on dit dans les psaumes que des enfants qui allaitaient à la mamelle, on a tiré sa louange. Vous posez la question, qu'est-ce que ceci veut dire? Et puis, vous voyez, Jésus vient, il entre à Jérusalem. Pendant qu'il entre, les gens sont en train de crier partout, ils crient partout. Les pharisiens disent, dis à tes disciples de cette terre. Il dit, si je les demande de cette terre, ce sont les pieds qui vont chanter. Et puis, il dit, n'avez-vous jamais lu cette parole de l'écriture des enfants qui étaient au mamelle, il a tiré des louanges. Vous vous souvenez de ce passage-là, n'est-ce pas, mes frères? La France dans la sainteté, vous êtes calme d'avoir comme ça, alors que je n'ai même pas encore commencé à dire des choses ici. J'ai besoin de vouloir construire ces choses-là pour pouvoir la présenter. Donc, vous voyez, il dit bien qu'il y a des écritures qui sont couchées là. Tant que ce n'est pas explicité par le Saint-Esprit, vous ne saurez même pas ce que ça nous dit. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans le Jérusalem, on voit effectivement comment les gens sont en train de chanter. Et là, les gens disent, on dit, la Bible déclare que les enfants criaient partout. Et quand il est sorti du temple là, les enfants criaient partout. Il a dit, fais taire ces enfants si tu entends. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que le psaume dit? Donc, il veut dire, c'est ça dont il est question. Or, le psaume, dans ce psaume là, on ne dit pas qu'il va entrer dans le temple, il va taper les gens, et puis quand il va sortir, les enfants vont chanter. Ça sort directement, comme ça, pas. Et puis ça se trouve quelque part dans le psaume, dans les Écritures. Et là, le Seigneur Jésus vient faire appliquer ces passages-là à ce qui était écrit. Parce que les enfants étant déchantés là-bas, on demande, fais taire ces gens-ci. Il dit, non, il ne peut pas les faire taire parce que c'est prévu qu'ils fassent comme ça. des louanges des enfants qui sont à la mamelle. Maintenant, vous arrivez encore dans, dans une autre situation. Il entre, quand il entre dans le temps, il chicote. Et puis la Bible déclare que les gens se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, quand on dit le zèle de ta maison me dévore, vous allez voir les versets avant et les versets après. Il n'y a pas de signification pour dire que c'est quand le Messie viendra, il entrera dans le temple et il va taper les gens avant que ça, pour qu'on comprenne que. Je ne sais pas si vous me saisissez vraiment ce langage-là. C'est pour ça qu'avec la parole du Seigneur, il faut aller doucement, doucement et bien y pénétrer. Donc, vous allez voir, il met un verset, un passage là, et puis rien n'est dit de la suite. Ce n'est pas une suite logique des mots agencés qu'on va dire. Il faut bien lire en haut, comme les gens disent, pour comprendre le contexte. Sinon, vous ne comprendrez jamais le contexte de la Bible. Dans Osée chapitre 11, si vous lisez le verset 1, il va dire, lorsque mon fils Israël, mon fils était en Égypte, j'ai fait sortir mon fils en Égypte. Vous lisez Matthieu chapitre 2, je ne sais pas si je vais vite là mes frères, si je vais vite, vous me faites comme ça. Que ok, c'est bon, merci. Alors, si vous lisez Osée dans chapitre 11, verset 1, vous allez remarquer que là-bas, il est prévu qu'il fait sortir son fils hors de l'Égypte. Mais vous lisez dans Osée, là, on parle d'Israël. Mais quand le Seigneur Jésus est né, la Bible déclare quand on voulait le faire tuer, il a demandé à l'ange a demandé qu'on amène Jésus en Égypte jusqu'à ce qu'il le fait ressortir. Or, vous lisez votre Bible dans les prophéties de l'Écriture, vous ne verrez nulle part où il est prévu que Jésus va en Égypte. Vous ne verrez nulle part dans les Écritures où il est prévu qu'il descende en Égypte. Maintenant, subitement, au milieu de l'Écriture, l'ange vient dire à Jésus que descende en Égypte. Est-ce que c'est seulement en Égypte que Jésus pouvait vivre sous la protection du Très-Haut? Ne pouvait-il pas rester là-bas et être caché, comme il avait caché David dans les grottes d'Adoulam, afin que Saül ne puisse pas le voir? Il pouvait le faire, mais il a fait aller en Égypte. Et quand il monte, la Bible déclare dans celui de Matthieu chapitre 2, que afin qu'il s'accomplisse ce qui a été écrit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Donc vous lisez dans le contexte de Osée chapitre 11, vous voyez qu'on parle d'Israël, mais là le fils dont on est de parler, en parlant d'Israël, il parle du Seigneur Jésus qui devait être appelé hors de l'Égypte. Or, il n'y a pas de prophétie qui l'envoie à l'Égypte, mais il y a une prophétie qui est couchée de lui qui va revenir à l'Égypte. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes frères? Et vous comprenez bien ce que je t'en ai dit, n'est-ce pas? Bon, ok, maintenant. Dans le livre de Genèse, donc, vous lisez successivement dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 5, où on parle de la livre de la postérité d'Adam. On parle d'Adam. Vous allez remarquer que de 7 jusqu'à ce qu'on arrive, enfin, Adam 7, jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch, il n'y a pas de problème par rapport, écoutez très attentivement maintenant, par rapport à l'adoration proprement dite. Je ne sais pas si vous êtes ici. Subitement, un monsieur au septième niveau, au septième rang, est enlevé. Maintenant, après lui, donc, va arriver maintenant une tribulation sur la terre. Qui connaît cette tribulation? La tribulation est arrivée sur qui? Sur Noé. Sur Noé. Noé. Ok. Bon, maintenant, suivez très attentivement. Maintenant, que veut dire Noé? Noé veut parler des eaux, non? Tu poses la question, tu réponds, mon frère. Le frère Guérisha, qu'est-ce que veut dire Noé? J'avais ça, mais c'est... Non, ça s'est échappé, ça s'est échappé. Lorsque vous lisez la lecture dans... Dieu merci, la lumière est venue. Donc je crois que je vais bien me sentir. Permettez-moi de mettre ceci. Un instant. Voilà, merci Seigneur. Ah, quel pays ça. Permettez, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, je vous retrouve. Donc, si vous lisez Genèse, allons-y à l'île de Genèse, vous allez voir son nom là. Rapidement, Genèse chapitre 5. Noé d'abord, pour que vous ayez. Allons-y, Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, vous y êtes? Vous y êtes? Le verset 29. Qui va lire le verset 29? Le frère, chez toi, il y a le bruit. Il y a le bruit chez toi. Cet enfant, dis-lui qu'on est en pleine école aussi, comme le lendemain, il va aussi aller à l'école. Ok, j'ai coupé le micro, frère. Oui, mais là, on t'entend pendant que tu as coupé le micro. Bon, Genèse chapitre 5, le verset 29. Qui va lire donc? Et il l'appela Noé en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et du travail pénible de nos mains sur la terre que Yahweh a maudite. Vous voyez qu'on a un problème ici. Donc, la définition du nom de la personne qui est en train d'arriver durant cette période-ci est donnée dans ce passage. Son nom, c'est quoi donc? Il y a un mot qui est Qui utilisé là-bas. consolera. Consolera. Consolera. Donc, Consolateur. Donc, son nom, c'est consolation. Repos. Consolation. Consolation, oui. Dans le nom. Repos tranquille, non? Voilà. Noé veut dire consolation, d'accord? Consolation. Voilà. C'est pas ce que tu avais dans dans ton esprit, le frère Christian. C'est ça, non? C'est un peu ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça Voilà. exactement. Donc maintenant, je vais nous. Repos tranquille. Oui. Je vais ici pour vous. Consolation, c'est ça. Oui. Je vais ici pour vous présenter quelque chose. Regardez, il est dit dans ce verset 29, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Suivez bien ce bout de mots, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, vous lisez effectivement que Dieu a maudit la terre sous Adam lorsque Adam a péché. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? La terre est restée comme ça jusqu'à ce qu'au chapitre 8, on va voir ce qui s'est passé. Mais pour ne pas tirer Oui, des lui, leçons. à cause de toi, la terre sera maudite. Voilà. Maintenant, vous voyez effectivement que. Mais avant, je sens de vouloir vraiment positionner la chose pour que vous puissiez bien saisir. De Adam, au chapitre 1, vous voyez, on dit voici le livre de la postérité d'Adam lorsque. D'Adam. Et puis, au verset 24, on parle d'Enoch, qui vécut 365 ans avec Dieu, il marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Puis avec lui, après lui, donc maintenant vous allez avoir quoi? Mathusalem, Mathusalem, le mec, et puis le mec Noé. Je ne sais pas si vous saisissez. Et là, quelque chose se produit. De Adam jusqu'à Enoch, quand il marche avec Dieu, il n'y a pas de grand événement majeur qui cause des catastrophes. Ne sais pas si vous me saisissez. Et là, maintenant, après que Enoch est enlevé, après lui, quelqu'un doit passer par la tribulation. Vous y êtes? Oui. Donc, Enoch. Ça coupe un peu, frère Junior. C'est pour cela que ça m'étonne quand c'est ce type de choses-là. Cet enseignement. Pas de cette interférence un peu. Justement, parce qu'il y a des micros qui sont ouverts là. Il y a le micro de frère Pierre qui est ouvert. Je vais tout simplement, parce qu'il faut que je parle tout en sachant que vous allez me suivre. Donc, là, quand je parle, vous m'entendez, n'est-ce pas? Ok, donc je crois que je vais placer ça ainsi. Le frère Yannick Bob, bonjour et bienvenue. Alors le frère Yannick, bonjour. Bonjour. Ah, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai ouvert juste pour vous saluer parce que je ne peux pas participer. Je suis en train de sortir. J'étais chez ma grande sœur. J'ai vu que vous êtes connecté là. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Junior. Oui. Bon, je parle à l'aéroport, non? J'ai pas pu faire quelque chose là. Tu vois Donc, là. Vous m'excusez. Maintenant, je voulais te demander un truc, non? Tu as eu le courant qui t'est coupé là, c'est ça, non? Oui, c'est revenu là maintenant. Bon, maintenant, tu as eu la connexion. Donc tu vois que quand tu veux partir, la lumière vient. Non, attends. Non, je vais savoir quelque chose, bon. Oui. Parce que j'ai l'impression que tu utilises la connexion Internet avec la clé, c'est ça? Non, c'est le wifi. C'est branché à la fenêtre là. Non, mais quand le courant est coupé, pourquoi le truc se coupe pas? Non, la connexion, il y a l'autonomie de la batterie. Attends, je vais te présenter. Ah, ok, non, c'était juste à savoir quoi. Je pensais que tu utilisais la clé. Non, c'est pas la clé, c'est la connexion Wi-Fi. Ah, Donc. non. Mais ça, c'est ADSL, non? C'est ça? C'est DSL. Pourquoi vous appelez quoi? ADSL. ADSL. C'est ADSL? Oui. Ah, ok. C'est limité, non, c'est ça? C'est limité. C'est limité. Ah, ok, d'accord. Mm. Ok. C'est pour ça, merci, merci. Mm. Donc, j'espère que tu vas partir, la lumière n'a pas s'arrêté, alors, le frère Yves. Si je t'arrête, tu sais que le Seigneur ne fait rien pour rien. Hein? Alors, bon route alors, que Dieu te bénisse. Ah, ok, d'accord. Donc, tu as bien compris. Ciao, ciao. je crois que le frère Yannick est aussi parti. Donc, on peut continuer maintenant, vous autres, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 5, et le verset 29 nous signifie que le nom de Noé veut dire consolation. Et cette consolation-là, c'est affecte du fait qu'il y a quelque chose qui sera fait dans durant la période où il y a la malédiction. Durant la période où il y a la malédiction. Alors, je dis donc, de Adam jusqu'à Enoch, vous avez là le type de l'église qui est cette église. Éphésiens chapitre 2, écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, après l'âge de l'église de Sardes, Thyatire, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée. À Laodicée, il y a enlèvement. Vous êtes avec moi? Il y a enlèvement. Quand il y a enlèvement, au chapitre 4 d'Apocalypse, à partir du verset 1, parce que les personnes à qui la promesse de l'enlèvement sont données sont des vainqueurs. Et lorsqu'il y a le vainqueur, après ça, il y a le lot de consolation. Après les vainqueurs sont couronnés de trophées. Puis il y a le lot de consolation. Le lot de consolation, on ne donne pas le lot de consolation aux vainqueurs. Les vainqueurs reçoivent les trophées. C'est parce que vous me saisissez. Donc, ce sont ceux qui sont des vainqueurs qui sont enlevés. Puis par la suite, il y a le lot de consolation pour ceux qui passeront par la tribulation. Alors le septième, c'est Noé, c'est Enoch. Et puis après va venir une période où il y a la tribulation sur la terre. Et donc on va se retrouver au chapitre 6, donc, où Dieu va résoudre de détruire toutes choses sur la terre. Exactement comme quand l'église va sortir de ce système-ci, Dieu va frapper la terre de différentes plaies de la grande tribulation. Et durant cette période de la grande tribulation, donc, il y a des gens qui vont se préparer à traverser au travers de cela. C'est le type dont ces gens-là donc, sont le type de Noé. Et comparativement à ceux qui sont sur la terre, qui font le mal, même ces personnes, ce groupe de personnes qui resteront dans la grande tribulation sont un peu de nombre par rapport aux grandes personnes, au nombre de personnes qui seront sur la terre en ce moment-là. Donc, en clair, on a de vouloir répondre à la question, c'est quoi marcher avec Dieu, comme la Bible en train de dire. C'est ça qui est défini ici, d'après le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 5. Donc, marcher avec Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit veut appeler par le processus pour l'enlèvement. Donc, il faut qu'il explique ça doucement. Vous avez moi, non, n'est-ce pas? Donc, je voulais d'abord établir pour vous montrer effectivement que Enoch, qui est le septième, est le type de l'église enlevée. Et vous voyez qu'avant lui, il n'y a pas de tribulation. Après lui, toujours, il n'y a pas de tribulation. C'est après que la tribulation entre en scène. Mais là, il y a encore des croyants après lui. Je ne sais pas si vous êtes ici. Ou si vous arrivez au chapitre 18 de Genèse toujours. Le chapitre 18 et 19 présentent encore ces choses-là. Vous avez remarqué que dans le chapitre 18, les trois hommes viennent à Manré. Ils voient Abraham là-bas. Abraham va se prosterner devant l'un. Puis pendant qu'il est en train de causer avec celui-là, deux autres descendent à Sodome. La tribulation n'a pas lieu. Celui qui est en train de communier avec le Seigneur, à qui Dieu est en train de révéler son secret. Gardez-vous bien à l'esprit ceci. Gardez-vous à l'esprit cela, cet acte-là de chapitre 18 de Genèse. Pendant qu'il est en train de causer avec celui-là, pour lui donner les secrets de sa pensée, il ne passe pas par la tribulation, il est mis à part avec lui. La tribulation se passe vers celui-là qui est cousin de la personne à qui Dieu est en train de parler en secret. Donc c'est une souche des sauvés, mais qui se trouve en plein dans une situation désagréable devant le Seigneur, dont Dieu va détruire la zone. Et là, il le met à l'abri par ses anges d'abord à Sodome et à Gomorre, et le fait sortir donc avant que la tribulation n'entre. Mais remarquez très attentivement que le type de celui qui marche avec Dieu et qui est parfaitement uni avec lui dans ses secrets est mis à part hors de cette tribulation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ah, s'il te plaît, j'avais une petite question. Il faut que ça soit dans cette confession. Si la question n'est pas dans ce sens, vous gardez la question jusqu'à ce que je termine par rapport à cela, d'accord? Ça va dans le même sens. Bon, en lisant, j'ai même compris. Je voulais juste m'assurer si l'église de Laodicée, donc c'est notre époque là maintenant. Mais en lisant, finalement, j'ai compris. Dieu merci. Alors maintenant, regardez très attentivement encore. J'ai dit, Noé, c'est le septième. Je sens de l'université là-dessus parce qu'il arrive quelque part. Noé, c'est le septième. Donc, par présentation, l'enlèvement a lieu à la septième église. Ça, c'est sans ambiguïté. La septième église doit recevoir l'enlèvement. Et lorsqu'on dit effectivement la lettre à la septième église, on voit effectivement que les vainqueurs partiront pour s'asseoir. Le Seigneur s'assoit. Je crois que le frère Christian, c'est chez toi là. L'enlèvement a lieu à la septième et cela s'assoit sur le trône avec lui. Parce que la reine ne s'assoit pas devant le trône. Elle ne se place pas devant le trône. Elle doit s'asseoir avec lui sur le trône. Maintenant, au chapitre 4 de l'Apocalypse, on dit donc que la voix que j'avais entendue dit monte, et c'était montré des choses qui doivent arriver. Après donc, ça, vous allez voir une succession de tribulations et des choses qui vont arriver tout après cela, qu'on en est de présenter, après que la voix est appelée à monter. Maintenant, donc c'est depuis le haut donc qu'il y a présentation des choses qui se passent en bas dans la suite des temps. Et donc, Enoch est monté. Dans la suite des temps, on voit effectivement des gens qui vivent sur la terre et que Noé, avec sa famille, ont trouvé grâce devant le Seigneur pour être préservés. Et donc, je dis ici, même jusque-là, la grande tribulation est dangereuse parce que le nombre de personnes qui sont sauvées également sont aussi en peu de nombre par rapport relativement à la quantité de personnes qui se trouvent sur la terre. Donc, que ce soit ceux d'enlever ou mieux ceux qui vont passer par la grande tribulation, le nombre dans la proportion sera peu nombreux, comme le frère Mamadou a entendu dans cette voie-là. Maintenant, j'avance donc dans un cran. Hébreux chapitre 11, dans le verset 5 dit, c'est par la foi, je veux que vous gardiez bien ce groupe de mots en esprit, c'est par la foi qu'Enoch a fait comment? La seule étude, c'est ferme ton micro, c'est ouvert. Voilà, merci. La Bible déclare donc dans ce livre d'Hébreux chapitre 11, vous y êtes encore, n'est-ce pas? C'est là où nous étions tout à l'heure. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'elle fut enlevée pour qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point de la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Je vais encore relire cette phrase. Suivez-moi très attentivement en suivant dans votre Bible. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Car, vous avez vu là où je suis en ligne, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Le frère Pierre, c'est chez toi, il y a un retour là, c'est désagréable. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Je continue. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc ici, vous voyez que sans la communion, ne pensez pas ah mon Dieu, l'enlèvement. La Bible déclare ici qu'avant qu'il ne soit enlevé, Dieu lui a dit qu'il devrait être enlevé. Vous avez moi, frère? Oui. Alors, ceux qui seront enlevés sauront qu'ils seront enlevés. Mais la Bible déclare ici que c'est pas la foi. La Bible déclare qu'il marcha avec Dieu et ne fut plus. Dans la Genèse, on parle de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu dans la Genèse veut dire de façon explicite que le Saint-Esprit va t'attester dans ton esprit que tu lui es agréable. La condition de l'enlèvement, là, c'est serré, extrêmement serré. Donc, pour ceux qui s'amusent, c'est leur problème. Mais ici, la Bible déclare qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et ce n'est pas le seul cas de la Bible de l'enlèvement. Si vous regardez les types de l'enlèvement, vous allez voir cette même chose aussi. Allons dans le livre des deux rois. Dans le livre des deux rois, voyons quelque chose dans le livre des deux rois. Au chapitre 2, je crois. Deux rois, que Dieu vous bénisse. Vous y êtes? Oui. Deux rois, je crois que le frère Mamadou, tu as trouvé. La sœur Yolande, courage, d'accord? Après le frère Junior, après la chapitre combien? Chapitre 2 des deux rois. La sœur Yolande, je vais parler avec toi après, juste après la réunion, d'accord? Voilà. Je vais lire à partir du verset 1, d'accord? Écoutez très attentivement. Je crois que tout le monde y est. Ça va, le frère Mamadou? Ok. Lorsque l'Éternel, à partir du verset 1 du chapitre 2 de Deux Rois, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici et je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Écoutez bien verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici et je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Vous y êtes, mes chers? Donc, vous voyez que, quittant de Gilgal, Gilgal qui veut dire rouler par-dessus, la pierre qui roulait par-dessus, à Bethel qui veut dire la maison de Dieu, jusqu'à Jéricho, vous savez tous les événements là-bas, les différents groupes de dénomination. Tous là, sans exception, savaient qu'Élie devait être enlevé, y compris Élisée. Et Dieu leur avait dit cela. Alors, là, on parle des fils des prophètes, ça veut dire que ce sont les prophètes, des jeunes prophètes ici, là, dans ces différents groupes là-bas. Et Élie passait dans tous les cargaisons de ces prophètes là-bas. Et chacun avait reçu la révélation dans ces groupes là-bas que Élie partait pour toujours. Et Élisée savait cela. Donc maintenant, écoutez très attentivement. Donc, Enoch marcha avec Dieu et ne fit plus parce qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, seuls ceux qui sont agréables à Dieu. L'apôtre Paul met ça avec le langage spirituel en disant, c'est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est irrépréhensible, irréprochable. C'est ces standards-là. Je crois qu'il y a un enseignement sur Bamba Iba là-bas, standard pour être enlevé. Je ne sais pas si vous savez, la première et deuxième partie, on en a parlé par rapport à cela. Donc, Dieu a voulu que ça soit, on dit en anglais, il faut qu'on soit sans tache, sans ride, ni rien de condamnable. Je ne sais pas si vous savez ici. Donc, les gens qui blaguent ici, vous voyez les dénominations, on prêche l'enlèvement partout. Il y a des gens qui connaissent l'enlèvement, que Jésus va venir prendre son église. Mais vous voyez comment les gens vivent. Ils croient effectivement qu'il suffit de confesser que Jésus-Christ est comme ça, est tel, tel, tel, pour venir voir comment, quand Christ va venir te prendre. Oh non, le chrétien peut écouter le musée mondain. Non, il peut aller en boîte de nuit. Et puis, on l'envoie en boîte de nuit, on attend l'enlèvement. Ça ne se passera pas comme ça. Ceux qui doivent être enlevés doivent recevoir le témoignage qui sont agréables à Dieu. Et donc, ceux dont on marche seront l'esprit de Dieu. Et donc, ils reçoivent le témoignage dans leur esprit qu'ils appartiennent au Seigneur. Et donc, s'ils appartiennent au Seigneur, le Seigneur les prend en charge. Et la Bible déclare que l'esprit qu'on a reçu, donc effectivement, c'est pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour à la louange de sa gloire. C'est donc cela. Donc, tant qu'on n'a pas reçu cet esprit d'adoption, tout ce qu'on fait là dans le courrier avec le pied dans le sac. Vous y êtes avec moi? Si vous lisez dans le livre de Daniel, vous lisez le livre de Daniel, au chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6, enfin depuis le chapitre 2, entre le chapitre 2 et le chapitre 5, 6, vous allez voir Nebuchadnezzar, va voir cette statue. Vous connaissez la statue d'or, n'est-ce pas? Après la vision de la statue d'or, des événements prophétiques vont être donnés par le prophète Daniel. Puis va venir maintenant des gens qui vont demander d'ériger une statue à l'honneur du roi. Au point où les gens commencent à adorer. On a dit, Nebuchadnezzar a demandé que si celui qui ne doit pas adorer cette statue-là, je ne sais pas si vous comprenez, au chapitre 3 de Daniel, sera mis en pièce et jeté dans le feu. Lorsque Abednego, Shadrach et Meshach vont aller là-bas, on va l'amener devant le roi, que voici les gens que tu as amenés dans tes provinces et qui servent dans ta cour. Je crois que si c'est pas 140, pas ici là, non? Oh, c'est pas évident. Et donc, lorsque Nebuchadnezzar va faire venir les trois, Abednego, Shadrach et Meshach devant son trône, à l'issue de l'information qu'il va avoir de ses satrapes, ils vont dire à Nebuchadnezzar qu'ils ne peuvent pas adorer ces statues-là. Et même si Dieu ne pourra pas les délivrer, ils ne vont pas quand même adorer. Mais si vous lisez cette Bible-là, dans ce livre de Daniel chapitre 3, normalement, une question doit vous venir à l'esprit. Où se trouve Daniel à cette période-là? Parce que la Bible déclare que tout le monde s'est prosterné, excepté ces trois-là. Vous devez vous poser naturellement la question, où se trouve Daniel le prophète? Le prophète qui en a décrit ces choses-là. S'est-il prosterné? Que non, il ne peut pas se prosterner. Parce qu'il sait le Dieu vivant et vrai. Subitement, au chapitre 4, à l'issue de cela, Daniel refait surface. Oh frère, suivons ces choses-là dans les Saintes Écritures. Suivons cela. Donc, vous voyez que chapitre 1, chapitre 2, on présente Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach. On les présente tous là-bas, remplis de l'esprit de Dieu et de sagesse, plus que tous les sages de Babylone. Nebuchadnezzar a un songe au point où il ne peut pas donner l'explication. On veut tuer tous les sages. Daniel intercède avec ses frères. Dieu donne la révélation. Chapitre 2, il vient donner. Chapitre 3, on érige une statue qu'il faut adorer. Daniel n'est même pas mentionné dans ce domaine-là. On dit que c'est trois personnes seules qui ne font de lui aucun cas. On dit que tout le monde s'est prosterné. Vous pensez que Daniel s'est prosterné, mes chers? Non. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. C'est le type de l'enlèvement et de la grande tribulation. Daniel a subitement disparu de la circulation. C'est donc pour cela que tous les types de l'Ancien Testament qui présentent l'enlèvement de l'Église, ça se passe comme ça, de façon subite. Ça se passe de façon cachée. Si vous n'êtes pas vigilant, vous n'allez pas savoir qu'en fait, il n'y a même pas Daniel parmi. Subitement, on ne fait pas état de Daniel. Au chapitre 3. Tout le chapitre 3, on raconte parce qu'il n'y a pas Daniel là-bas. Il y a deux choses l'une. Soit Daniel est mort, soit il s'est prosterné de parmi les gens. Parce qu'on n'est pas mentionné parmi les gens. Ils ne sont pas quatre. Ils sont trois. Abednego, Shadrach et Meshach. C'est deux devant eux qui a les contestations. On dit tout le peuple s'est prosterné. Donc Daniel ne s'est pas prosterné. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit l'a caché. C'est le type d'enlèvement. Or, qu'est-ce qui est présenté là-bas? C'est la religion mondiale de l'adoration du Dieu unique qui va prendre la place du Seigneur sur la terre. Voilà ça qui est présenté là-bas. Et donc, pendant que Daniel est mis de côté, le type de l'église qui est mis de côté, voilà ce qui va être sur la terre. Une religion unique va être élevée sur la terre où on a adoré sur cette religion-là. Vous avez moi? Et non, maintenant, ceux donc qui ne vont pas se prosterner, parce qu'on va dire, oh, nous adorons le même Dieu. C'est à lui seulement que vous allez adorer Dieu. Et maintenant, c'est chose curieuse, écoutez très attentivement, chose curieuse. Ça, c'est chez la sœur Anne. La sœur Anne, fermez votre micro. Veuillez fermer votre micro parce que c'est désagréable. Donc, la chose curieuse dans ce livre de Daniel au chapitre 3, c'est que le nom de Dieu, enfin, de la statue qui est élevée en divinité, c'est le nom qu'on donne à Daniel. Vous avez remarqué cela? Je ne sais pas si quand moi je parle, le frère, la soeur là entend. Quelqu'un veut informer à la soeur Anne de fermer son micro. Ça vibre là et c'est vraiment fort. Attends, moi je suis fermé. Il cherche le micro. Il cherche à fermer le micro. C'est la nouvelle technologie là maintenant. Tu as pu fermer mon frère? Non. Courage. La dernière fois, une émission, pendant que nous disions, si tu avais trouvé le micro, tu as oublié l'endroit, ça se trouve là maintenant. Ça, c'est bon, c'est bon. Oui. Il y a la touche de la caméra, il y a la touche, il y a une touche avec une aiguille debout comme ça. C'est là-dessus, il faut cliquer dessus. C'est pour tout avoir le micro. Voilà, c'est le profil qui est là, mais voilà, je vais changer le micro d'abord. C'est sur ton adresse Skype, donc je crois que... L'adresse. Bon, je crois que tu vas te reconnecter là maintenant. Tu vas te reconnecter. Là. Alors, vous avez moi là? Oui. J'avais une question en fait. Oui. Concernant cette partie-là, lorsque j'ai lu cette partie, je me disais que c'est parce que Daniel n'était pas dans la même région, la même province qu'en fait. C'est pour ça qu'on mentionnait pas son nom. Ok, donc Daniel qui travaillait dans le proche du roi, troisième du gouvernement, donc lui n'était pas dans la même province quoi. Il était dans le palais royal. Ah, c'est vrai. Je vais penser ça en fait. Donc, ces choses-là qui sont présentées en allégorie, en prophétie dans la Bible, il faut vraiment faire attention quand on va dans le livre des prophètes. C'est présenté là partout dans Ézéchiel, Jérémie et autres, là-bas, Osée, Naoum. C'est présenté là-bas. Présenté. Alors, on peut avancer. Donc, nous voyons ici que dans l'église d'Élie, ici dans le chapitre 2, dans deux rois, même les différentes dénominations, que ce soit Bethel, l'église de Gilgal, ils savaient qu'il devait avoir l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais la personne qui devait être enlevée savait qu'il devait être enlevé. Et on ne pouvait rien y faire, ni l'empêcher. C'est bon là maintenant? Oui, là c'est bon. Voilà. Des questions? Je crois que. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on prend un passage maintenant. Oui, ma chère soeur. Ouais. Oui, je voulais savoir dans Romains 9, verset 8, si je ne sais pas, ça va dans le même sens. C'est écrit, c'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la de la promesse la postérité. Repose ta question, ma soeur, je n'ai pas suivi. Oui, j'étais en train de dire que donc, dans ce verset-ci, c'est pour dire, quand on dit ce n'est pas tous les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Oui. Là, ici, on est en train de parler du blé qui naît venant d'un homme et une femme. Oui. Et quand on dit c'est les enfants de la promesse qui sont réputés pour être enfants de Dieu, parce qu'ils ont cité que ce n'est pas tout, tout ce qui était d'Abraham, qu'ils étaient des enfants de la promesse. Exactement. En réalité, si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 12, chapitre 15 et chapitre 17, il a fait une promesse à Abraham que de toi sortira la postérité. Lorsqu'il parle, c'est celle qui c'est la postérité qui vient selon la promesse, effectivement. Et bien, le problème, c'est qu'il y a deux groupes de naissances là-bas en Abraham. L'une qui est faite selon la chair et l'autre qui est fait selon la promesse, justement. L'apôtre Paul présente cela dans le livre des Galates, chapitre 4, à partir du verset 1, concernant l'enfant qui est né d'Agar et celui qui est né de Sarah, que ce sont deux alliances. Ça veut dire que les enfants, les femmes là, sont deux alliances. Agar, Mont Sinaï, qui correspond à la Jérusalem actuelle, et puis l'autre spirituel, qui est notre patrie, notre Jérusalem, la Jérusalem céleste. Puis donc en Abraham se trouvent donc deux descendances. En Abraham, donc, se trouvent donc deux descendances. L'une des descendances est charnelle, selon l'homme, parce que selon la volonté de l'homme que l'autre est né. Et quoi, Ismaël, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est selon la volonté de Dieu. Et c'est celui-là qui est considéré comme la descendance selon le Dieu, parce que c'est celui qui est venu selon la volonté de Dieu. Donc vous voyez que l'une des choses encore qu'on peut comprendre là-bas, c'est que vous ne pouvez pas aider Dieu dans quoi que ce soit. Et quel qu'en soit ce que l'homme peut faire selon sa volonté, tôt ou tard, ça sera rejeté par Dieu. Parce que ce n'est que ce qui est issu de lui, selon sa volonté parfaite de Dieu, sa volonté parfaite qui est acceptée. Or, lorsque Isaac vient, il dit que c'est Isaac qui est la postérité. Il réitère l'alliance qu'il avait fait à Abraham à Isaac. Quand Isaac va donner son enfant, Esaü et Jacob, Jacob a été choisi depuis le sein maternel pour perpétuer l'alliance. Et c'est lui donc qui va engendrer les douze. Maintenant, vous voyez effectivement que la semence de la promesse se trouve donc dans la première semence, Isaac. Et donc, mais là, nous voyons la descendance naturelle. C'est donc pour cela que les pharisiens, dans Jean chapitre 8, pouvaient dire qu'ils ont Abraham pour père. Mais Jésus dit, je sais que vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous voulez me faire mourir. Donc vous voyez qu'il y a la postérité d'Abraham née selon la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce Romains chapitre 9 dont tu as fait état. Jusqu'au chapitre 11, il va montrer cela. Donc il y a des enfants d'Abraham. Il dit donc que tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire que les enfants, selon la promesse, dans l'autre descendance, c'est-à-dire la descendance naturelle, il y a les enfants de la promesse là-bas. Et dans la descendance maintenant des nations qui sont faites par promesse, qui reçoivent l'adoption par la foi, hein, la foi d'Abraham. N'est-ce pas si vous me saisissez? Donc ceux qui viennent de la chair pourront aussi être, il y a certains qui pourront aussi être sauvés. Mais exactement. Tous ceux qui sont descendants d'Israël sont nés selon la chair. Écoutons très attentivement. Abraham n'est pas ton père charnel. Oui. Mais Abraham est le père charnel du peuple juif. Parce que Abraham a engendré Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré les douze. Donc on le veut ou pas, chaque Israélien sort d'Abraham d'abord. Ça c'est la descendance charnelle. Mais dans cette descendance charnelle, une promesse est donnée. Il y a le fils de cette lignée-là. Parce que la Bible déclare dans ce livre de Romains que tu as lu là-bas, effectivement, il dit que lorsque le reste d'Israël, le peuple d'Israël sera comme le sable de la mer, un seul reste sera sauvé. C'est ce qui est dit là-bas. Un seul reste. Et la Bible déclare... Ah, c'est pas évident ça. La Bible déclare donc que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Je crois qu'il faut qu'on prenne un temps pour aider notre papa là-bas à trouver le micro. Qui peut l'aider à trouver le micro pour pouvoir mettre le micro? De qui on parle? Seul Jésus sauveur. Non, j'avais une question, s'il te plaît. On patiente jusqu'à ce que le problème du micro soit résolu de l'autre côté, parce qu'il y a une interruption chaque fois. Est-ce qu'il nous entend? Mon frère, tu nous entends? C'est chez la sœur Anne. La sœur Anne, tu nous entends? On entend doucement, on n'entend pas bien. Il a plutôt baissé son volume au lieu de... pas. Il a plutôt baissé son volume au lieu de couper le micro. Il a des problèmes de sérieux problèmes là maintenant. La sœur Anne, tu nous entends? On entend bien. On entend à peine. Oh là là. Il faut couper le micro. Mais si ça avait coupé le micro, il aurait fait des bruits, frère Christian. Oui, je vais. Comment je peux vous expliquer ça? Il regarde les différents bars seulement. Il y a le rouge, il y a le plus, il y a des droites à gauche. Un peu patient, frère Christian, patient. Le mari de la sœur Anne, tu m'entends maintenant? Le mari de la sœur Anne. Ils sont partis, non? Non, ils sont partis. Ils ont mis la caméra maintenant. Voilà, maintenant, vous parlez, on ne vous entend pas. Donc, ça dit votre micro est coupé. Est-ce que tu as remarqué l'endroit où tu as cliqué pour que le micro, quoi, la caméra vienne, mon frère? Tu as vu là où tu as cliqué pour que la caméra vienne? Je crois qu'il n'entend pas, Junior. Allô, mon frère, tu m'entends? On te voit là. Voilà, là, il en a des... Oui. Voilà. Tu viens de cliquer sur le micro. Clique encore sur le micro, voir. Il suffit d'un seul clic. Quand tu vas cliquer, il y a une barre qui va passer sur ton micro. Tu m'entends, n'est-ce pas? Voilà, là, ton micro est fermé. Là, ton micro est fermé. Garde-le comme ça. C'est mieux. Mais là, tu nous entends, n'est-ce pas? Si tu nous entends, tu nous entends. C'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, garde comme ça, ne touche plus l'écran. Entends-nous seulement. Si on sonne, on appelle en Italie, réponds à tes appels. Ça ne nous dérange pas, d'accord? La c'est Laetitia. Nous sommes à toi maintenant. Question. Oui, ma question, c'était justement dans Apocalypse. Oui. En fait, il y avait deux questions. Apocalypse 7 au verset 10. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'ici, on fait une différence entre Dieu et l'agneau. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Avant d'aller au chapitre 7, as-tu vu le chapitre 5, le verset 8? Oui. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, c'est bon. Regarde-moi maintenant. Ton problème, c'est quoi? En fait, moi, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Et le Saint-Esprit. Mais là, au verset 10, j'ai été un peu confuse parce que j'ai l'impression... Et Jésus-Christ est l'agneau. Oui, il est aussi le lion. Voilà. Souviens-toi. Mais là, j'ai été un peu confuse. Souviens-toi qu'il est aussi le lion. Oui. Ça amène davantage de confusion. Rentre au chapitre 5. Rentre au chapitre 5. Les 4, c'est trop grand. Oui. Rentre au chapitre 5, verset 4, avant d'arriver à ce verset 8 là, allons-y. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Voilà. Écoutez, et je vis au... Écoute cet attentivement. On dit que qui a vaincu pour ouvrir... Le lion de la tribu de Juda. Quand il regarde sur le trône, qu'est-ce qu'il voit? L'agneau. Bon, qui a vaincu? Le lion de la tribu de Juda. Et qui est sur le trône? L'agneau. Donc ça fait combien? Ça fait deux déjà. Continue. Et puis il a racheté pour un peuple pour qui? Pour Dieu. Ça fait quoi? Trois. Donc ça fait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est ça? Ce sont ses attributs, non les fonctions. Non, ne vous inquiétez pas, quand elle va poser la vraie question là, vous allez répondre ce que vous allez répondre là. Allons au chapitre 22. chapitre 22, les deux premiers versets du chapitre 22 d'Apocalypse. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Regarde-moi. Cette fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, sortait de quel trône? Du trône de Dieu et de l'agneau. Combien de trônes y avait-il? Un seul trône. Et ce trône-là, c'est pour qui? Pour Dieu et pour l'agneau. Je veux que tu me définisses ce que tu appelles par Dieu. Puis on va toucher ce que c'est que l'agneau. À l'issue de cela, je vais vous donner un devoir dans le livre d'Apocalypse. Vous allez travailler là-dessus. C'est vous qui avez cherché. Je vais vous donner un devoir. Vous allez chercher doucement. Donc, qu'est-ce que veut dire Dieu? Chaque fois que je vous dis que non, il faut croire en Dieu. Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Dieu, c'est le créateur. Vraiment, hein? Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est l'esprit. C'est vraiment, hein? C'est le Père. Vraiment, hein? Dieu, c'est la parole. Ok. Continue alors. C'est l'objet d'adoration. Le frère Guy Richard, tu dis quoi? Quand on dit Dieu, normalement c'est celui qui donne l'objet d'adoration en fait. Donc par exemple, comme les gens aiment tellement ça, au point de l'idolâtrer comme ça, là, on l'adore comme ça, ça met tout être Dieu. Vite, les gens ils ont tout pour Dieu. Voilà, donc ça veut dire que Dieu donc, c'est l'objet d'adoration, n'est-ce pas? C'est celui pour qui on porte l'adoration. Et donc il peut être vrai Dieu ou faux Dieu. Donc on peut adresser une vraie adoration à un faux Dieu. Ou bien une vraie adoration à un vrai Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre tous ces dieux? Oui, ma chère. Je voulais dire que Dieu, c'est juste un titre, non? Ce n'est pas un nom. Justement, dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 1, il est écrit Bereshit bara Elohim. Donc, au commencement, les dieux créa. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas, les dieux créa. Donc, vous voyez effectivement que le verbe bara qui est écrit là-bas, c'est au singulier. Je suis en train de faire ton nom, c'est toi. Il faut lui donner ça, Dieu, là, le frère Mamadou. Donc, dans ce Genèse chapitre 1, on voit effectivement comment il est écrit au commencement, les dieux. Le mot Dieu là-bas, c'est au pluriel dans l'hébreu, Elohim. Et donc, Elohim n'est pas désigné. L'une des choses, les fautes qu'on fait, c'est lorsqu'on prend, on entend Elohim en hébreu. On a comme impression que Elohim veut dire seulement le vrai Dieu. Non. Elohim, quand on parle de Elohim, il s'agit du titre seulement de la divinité. Et par conséquent, quand tu dis Elohim, ça ne veut pas dire le vrai Dieu de la Bible. Parce que même les faux dieux de la Bible sont écrits toujours Elohim. C'est pas ce que vous suivez. Oui. Donc quand vous voyez Dieu avec petit D dans votre Bible, en hébreu, c'est toujours Elohim. Que ce soit le petit Dieu dans la Bible, c'est aussi écrit Theos. Donc par conséquent, quand vous dites Dieu, si il prononce Dieu, on ne peut pas savoir si c'est le grand Dieu avec grand Dieu qui sont de le prononcer. Et par conséquent, en rentrant dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, on dit que cette mer de verre là, limpide comme du cristal, sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Regardez la conjonction de coordination qui est mise là-bas pour un seul trône, pour ces deux êtres dont on a dû parler, potentiellement. Vous y êtes? La seule étude, ouvrons le livre de Ésaïe chapitre 11 maintenant. Ésaïe chapitre 11. Oui. Quel verset? À partir du verset 1, lisons le verset 1 seulement. Allons-y. Attends d'abord. Le frère Mamadou, tu as trouvé Isaïe? Voilà, c'est bon. Allons-y. Oui, un rameau sortira. Allô? Qui en est le lit? C'est la seule édition, non? Je crois que ça a bégayé sur cette. C'est écrit, mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe et un végétal naîtra de ses racines. Je crois qu'il va falloir que son connexion soit stable là pour que nous parlions, parce que c'est elle qui a posé la question. La seule édition, tu nous entends? Alors, la sœur Laetitia. En attendant qu'elle se reconnecte, Junior, pour revenir sur la question, quand tu parlais des deux descendants, la promesse, et donc ça veut dire que nous, par rapport aux enfants d'Abraham, nous sommes selon l'esprit, c'est ça? Non, je veux dire, on est de la promesse selon l'esprit. Absolument. Galates chapitre 3 prend cela. Galates, le temps que le lait, ça c'est garder à l'esprit ce que vous venez de lire d'Isaïe chapitre 11. Souvenez-vous de continuer le travail de la prière par l'esprit avec votre cœur. Souvenez-vous de continuer jusqu'à ce que les musiques ne chantent plus dans votre cœur. Que Dieu Alidé ne chante plus dans votre cœur avec Céline Dion. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset combien? Permettez que les autres trouvent déjà. Si vous avez trouvé, je vous donne. Lisons le verset 25 jusqu'au dernier. Allons-y. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue, parce que vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de fils, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc prenez le temps dans le livre. Amen. Donc prenez le temps de lire. Voilà dans la conclusion dont il dit là-bas. Donc on est fils. C'est pour ça que dans le chapitre 11 dans l'Hébreu, il explique donc qu'on a été greffé par adoption. On y a été greffé par adoption, par la foi. Donc on ne descendait pas physiquement d'Abraham, mais par adoption. Oui, oui. Parce que c'est par la parole. La parole parlait qu'on a engendré. Mais le problème, c'est qu'on était en Christ avant. Il l'a manifesté par l'esprit. Oui. Et la sœur Laetitia, bon, on arrivait en... Oui, c'est oui, mon frère. Oui, j'avais compris comme ça, frère. Mais je voulais en fait, je voulais apporter la précision. Tu vois. Merci beaucoup. Donc, on est on est selon l'esprit et non selon la chair, parce que de toute façon, on n'est pas de la communauté juive. Exactement. Donc, c'est selon l'esprit. Exactement. Donc, ouais, je voulais préciser, en fait. Où est donc le pourquoi? Le Saint-Esprit a, de façon vigoureuse, coupé rapidement les tentatives des pharisiens de judaïser les païens qui étaient intégrés. Vous voyez que c'est pas la foi, la promesse, c'est pas la foi. La sœur Laetitia, nous avions lu tout à l'heure, là, Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Oui, il y a deux... à partir du verset 1. Oui, relis maintenant. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Stoppons d'abord là-bas. Tu penses qu'on parle de qui ici? Du Seigneur Jésus. Ok. Comment il est appelé d'abord au verset 1? Au verset 1, rejetons. Un rameau. Bon, maintenant, relis un encore. Relis encore, on va bien saisir. Allons-y. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ok. Bon, maintenant. L'esprit... Non, non, c'est bon. C'est le verset 1 seulement qui nous intéresse. Donc, le rameau, c'est qui? Le rameau, c'est le Seigneur Jésus. Le rejetant, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est quoi un rameau? Le rameau, c'est le Seigneur Jésus. Le rameau, c'est le peuple. Un rameau, c'est une palme. C'est comme une palme, non? Pardon? Un rameau, c'est comme une feuille, comme un palmier. Oui. C'est quoi le rameau, mes frères? Vous n'êtes pas des catholiques? Donc c'est quoi un rameau? Il prend la définition pour que vous saisissez la gravité dans ce paragraphe. Le rameau est un, c'est comme un palmier. C'est tout un arbre. Le rameau, c'est un arbre. Après, maintenant, il y a les feuilles de rameau. Oui, voilà. Maintenant, relisons encore la phrase. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. Qui est le rejeton? Le Seigneur Jésus. Mais on dit du tronc d'Isaïe sortira un rameau et un rejeton naîtra là-bas. Qui est le rameau et qui est le rejeton? Le Seigneur Jésus, je sais pas. Okay, c'est vrai que si on faisait la représentation. Le rejeton. Comment, mon frère? Le rejeton, c'est Jésus en chair. Oui. Il y a la différence entre Jésus en chair et Jésus esprit. Oui. Donc, c'est de ça que ça parle. Voilà. Et donc maintenant, c'est la même personne, n'est-ce pas? C'est la même personne. Ok, maintenant. Lorsqu'on... En chair et en esprit. En chair et en esprit. Que Dieu te bénisse, mon cher frère. Dans Apocalypse chapitre 22, on parle de Dieu et de l'agneau. L'agneau est quoi? L'agneau, c'est Jésus. Non, non, pas, j'ai pas demandé c'est qui. C'est la chair. C'est la chair, merci, que Dieu te bénisse. Dieu est l'agneau, quoi? C'est la chair. Dieu est quoi? Dieu est l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça veut dire que vous avez saisi. Vous avez donc saisi dans le mystère de l'Apocalypse, justement. Et donc, maintenant, lorsque vous lisez votre livre Actes des Apôtres, chapitre 17, regardez le verset 30 à 33. Lisez Actes, chapitre 17. Posez toutes vos questions, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans le temps que vous cherchez Actes, chapitre 17, là, la France dans la sainteté, je suis heureux de vous retrouver. La sœur Kelly, bonne arrivée. Oui. Merci, shalom, shalom. Tu es arrêté à l'église. Pardon. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30 à 33. Qu'est-ce que ça dit, le frère Christian, si vous voulez? 33. Mais Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent. Parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, lorsqu'il c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mon frère, c'est bon, merci. Donc la Bible déclare que l'apôtre Paul dit là-bas que Dieu va juger le monde selon la justice par l'homme. On dit qu'il va juger par l'homme, ce n'est pas Dieu esprit qui va juger. On va le voir tel qu'il est. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est pourquoi sur le trône, vous entendez l'agneau, Dieu. L'agneau et Dieu. L'agneau et Dieu. Ce n'est pas deux personnes. Parce que si vous voulez faire une représentation physique de ce que Ésaïe chapitre 11 dit, vous allez dessiner un arbre, puis dessiner un petit arbre encore, un arbuston qui sort de l'autre côté. Mais pourtant, c'est une seule et même personne. Avec deux aspects de la nature, de la dualité de la nature. L'aspect physique et l'aspect spirituel. Donc, quand Dieu va venir juger sur le trône, il ne sera pas esprit, on va le voir tel qu'il est, tel qu'on le connaît, comme ça, avec son aspect physique. On dit donc ici qu'il va juger la terre par l'homme. Et vous allez dans l'Apocalypse, on dit que dans le chapitre 20, on dit que les trônes, quand celui qui était assis sur le trône, le ciel s'enroulait devant sa face, c'est le Seigneur Jésus qui est sur ce trône-là. Donc vous allez prendre en devoir, vous allez lire l'Apocalypse doucement. Vous entourez chaque fois le mot « c'est lui ». Vous notez ça partout où on a dit « c'est lui ». Vous arrivez à la conclusion. Il faut que vous écrivez clairement. Écoutez très attentivement le devoir. Donc le devoir consiste à identifier celui du verset 1, du chapitre 1 d'Apocalypse. Chaque fois que vous allez voir celui, vous écrivez le verset et puis vous écrivez celui à qui ça se réfère. Celui, celui, celui. Quand on parle de celui d'Apocalypse, à qui ça se réfère dans chaque fois. Donc n'essayez pas d'interpréter. Dans tel verset, si on parle de celui, dites directement dans tel verset, on parle de celui-ci est mis pour telle personne. À l'issue de cela, on va arriver maintenant, vous allez arriver à une deuxième conclusion. Qui est sur le trône? Celui qui est sur le trône, qui est-il? Vous allez répondre à cette question. Celui qui est sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Vous devez identifier à la fin. Juste à ce que vous encadrez que celui qui est assis sur le trône s'appelle telle personne, vous encadrez. Donc le devoir doit vous conduire à cette conclusion-là. Celui qui est assis sur le trône. Il faut qu'on l'identifie. Bien servi, mes frères. Pendant qu'on en est parlé là, je me souviens de la vision. J'ai eu un message pour une femme qui est en France. Cette femme se trouve en France. C'est une femme qui, vous savez, excusez-moi de l'expression, cette femme s'est fait pipi au lit. Elle ne sait pas comment s'en sortir, mais elle ne peut pas parler aux gens. Donc cette femme s'est fait pipi au lit. Puisse la voir la localiser. Parce que la solution se trouve maintenant pour elle. Donc c'est une femme qui, vous savez, quand on dort, comme les enfants le font là. Donc elle le fait. Elle le fait dans son lit et ça la dérange beaucoup. Elle n'aime pas dormir chez les gens à cause de cela. Mais elle ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit l'a localisé. Elle a la solution. Donc, quand vous allez prendre le livre d'Apocalypse, prenez cela et puis vous identifiez celui, celui, celui de qui elle est question. Et puis à la conclusion, vous retrouvez celui qui est assis sur le trône. Vous devez trouver cette personnalité-là. D'accord, mes frères et sœurs? Okay. C'est tout le livre d'Apocalypse, hein? Oui, c'est seulement 22 chapitres. Ce n'est pas trop long. Non, il dit tout Apocalypse. Oui, pour parcourir. C'est ça. Le travail que c'est en train de donner comme celui. Donc, lorsque le nœud de ce problème est résolu, tout Apocalypse est résolu. Parce que tout le nœud se trouve autour de cela. Frère, comment on n'a pas tous les mêmes versets là? Est-ce que ça va être écrit non, pareil? Non, c'est lui, c'est celui, partout. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Souvenez-vous de cette frère, ma prochaine préoccupation, c'était au niveau des enfants. Nous savons que le baptême des enfants n'est pas biblique comme les catholiques le font. Et comme la parole dit, baptisez-les et enseignez-les. Nous qui avons les enfants que nous sommes en train d'instruire dans les voies du Seigneur, à quel moment pourrons-nous les baptiser? Ça, c'est un autre commandement. Tu as cité deux commandements. Il y a le commandement d'instruire les enfants selon les voies du Seigneur. Quand ils grandissent, quand ils vont grandir, ils vont entrer dans un autre niveau de la Bible où il est écrit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, baptisez-les dans la parole de Dieu. Tu leur laisses arriver à la large mature où ils vont faire la décision maintenant de suivre le Seigneur ou pas. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Donc, parce que nous remarquons que plusieurs enfants qui ont été dans les familles chrétiennes, parfois s'accoutument à cela et pensent qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ont été juste accoutumés aux choses de Dieu. C'est pour cela qu'on a trouvé mieux qu'on fasse le baptisme pour les mettre dans le corps de Christ. C'est pas le baptême d'eau qui nous met dans le corps de Christ. C'est pas comme ça. Vous voyez, effectivement. Donc, il faut seulement instruire en les laissant tranquilles. Il y a des enfants que, parce qu'ils sont à côté de toi, ils te respectent. Quand vous allez faire sortir, aller à l'université, aller dans un endroit, habiter seul, vous allez voir la vraie nature. Vous allez voir que ce n'était pas un chrétien, c'était un religieux bien couvert avec les versets bibliques au-dessus du corps. Donc, il faut seulement les laisser sous la puissante main. Et vous voyez, nous les parents, on doit prier pour les enfants et avec les enfants chaque fois pour leur âme. Il faut seulement prier. C'est tout ce que nous pouvons faire. Personne, de la même façon que vous pouvez pas prêcher à quelqu'un et vouloir que la personne soit sauvée et le sauver, de la même façon, même pour votre propre enfant. Parce qu'il a dit que ce n'est pas par une volonté d'homme que ça se passe, y compris votre propre enfant. Donc, ce qu'on va faire, c'est instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Laissez-le tranquille. Quand ils vont grandir, la Bible déclare que Dieu va s'en occuper pour qu'il ne s'en détourne point. Donc, faisons ce qui est de nôtre et laissez ce qui est de Dieu. Ça va, ma soeur? Amen. Des questions? Amen, amen. Mais soyez vraiment rigoureux dans l'éducation de vos enfants parce que lorsqu'ils atteignent un âge où on ne peut plus les corriger, vous allez seulement avoir les maux de tête et les crises cardiaques. Donc, il faut les corriger, même si c'est avec les doigts militaires. Il faut les corriger pour qu'ils marchent d'après le Seigneur. Des questions? Amen. J'ai une question. J'ai une question, frère Junior. La question se trouve dans Marc 6, versets 7 à 13. Là où Jésus envoie les disciples deux par deux pour aller... pour aller dans des maisons. Oui. Après, la question c'est quand il dit aux disciples que si il y a des gens qui ne l'écoutent pas, qui secouent la poussière de leurs chaussures, ça veut dire quoi cette partie-là? Ça veut dire clairement. Secouer la poussière. En fait, il y a des traditions. Quand il explique là-bas, prends ce passage à mon frère. Oui. Allons-y, lis là. Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Je vous dis en vérité que ceux de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là au jour du jugement. C'est bon, mon frère. Tu as vu, en fait, donc, la question que tu me poses est répondue là-bas. Maintenant, c'est sur le plan de la manifestation de ces versets, c'est comment ça se présente, comment ça se pratique. C'est un danger. Vous voyez pourquoi je vous dis chaque fois que l'évangile a deux buts. Appeler ceux qui doivent entrer et proclamer le jugement sur d'autres. Si tu lis ces passages, c'est dans le livre de Luc au chapitre 9 et puis au chapitre 10, verset 11 particulièrement. Il va dire que lorsque vous allez séquer la poussée de votre pied, le Seigneur Jésus qui dit là que nous séquons même la poussée de votre vie, de votre pied. Quand vous avez rejeté la parole de Dieu, nous n'avons rien à faire avec vous. Le Seigneur Jésus qui définit la poussière séquée des plaies comme un débarras des évangélistes pour mettre la signature du jugement sur ce peuple. Et Jésus de conclut au chapitre 10 donc de Matthieu, de Luc, Luc chapitre 10, verset 11, que cependant le royaume de Dieu s'est approché. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est venu vers vous, vous avez rejeté. Alors maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, lisons les versets 50 et 51. Parce qu'on va voir maintenant la pratique, d'accord mon frère? Comment ils ont pratiqué cela? Actes chapitre 13, versets 50 et 51. On peut y aller. Je lis. Oui. Mais les Juifs excitèrent les femmes de votre distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait là, n'est-ce pas? Donc ils ont fait exactement ce que le Seigneur a dit. Donc comme ils étaient là-bas, comme ils ont fait ça, et comme tu as lu dans le livre de Luc chapitre 6 là, au verset 40 là, verset 11 là, le jour du jugement, comme tu as lu là, ce peuple qui était tenu dans cette ville, entendant le prophète Paul en train de parler de la part du Seigneur, et ils ont justifié en disant sort de notre ville. La Bible déclare quand il va faire venir Sodome et Gomorre, il va les traiter moins rigoureusement que cette ville là. Donc c'est la sanction. Donc, quand un évangéliste secoue le pied, quelqu'un qui est envoyé de Dieu, secoue le pied devant ta porte, dans ta maison, vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. Des questions? Et c'est quoi? Parce que la question que je comprends, ça dit secouer le pied, c'est vrai, vous savez, quand vous, fait, si vous êtes dans un endroit où il y a la boue, par exemple, la boue s'attache à vous. Quand vous secouez le pied pour vous débarrasser de cette boue-là, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est ce qu'il faut faire. Comme vous voyez les poussins ou bien les poules qui essaient de secouer la poussière comme ça. Vous voyez, ces gestes-là, au secours. Donc, il gratte le pied au sol en tapant le pied au sol comme ça. C'est ces gestes dont il est question. Donc, et en quoi ça nous concerne, nous? Par exemple, si on évangélise, si on va chez quelqu'un, par exemple, on évangélise quelqu'un, est-ce que nous, on va se fâcher ou bien, je ne sais pas si ça veut dire se fâcher contre la personne, ou non. Bien... Si Dieu avait laissé ça à notre guise, c'est que les témoins de Jéhovah ont déjà mis le jugement sur beaucoup de personnes, pas vrai? Ouais. Parce qu'ils vont de maison en maison et justement prêcher, et puis ils entrent partout, on les chasse souvent avec l'eau. Et là, même si c'est que la poussière, ils enlèvent les chaussures, ils laissent là-bas, ça ne fera absolument rien. Mais la Bible déclare, c'est au chapitre 13 ici. Regardez le verset 2 du chapitre 13 de Actes, vous allez voir la différence. Deux et trois, allons-y. Actes chapitre 13, verset 2 et 3, je vais vous montrer quelque chose. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils le gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Oui. Oui. Saul et Barnabas, allons-y. Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, stop, descendirent. C'est ça qu'ils voulaient que vous voyez. Vous voyez que là, ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Donc, ils partent avec la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une inauguration humaine qui dit de toi, descends au quartier, descends à rue Evry, l'autre là-bas va à rue Bouronne. Ce n'est pas ça dont c'est les questions. Et vous remarquez, on a lu de Marc, il est écrit clairement que Jésus les envoie encore. Il les envoie par deux, ils leur donnent la directive. Et puis il dit, faites comme ça. Donc, ces styles des choses, c'est le Saint-Esprit qui doit commissionner. Ce n'est pas une organisation humaine. D'accord, mon frère? D'accord. Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit t'envoie, si on fait, c'est pour cela que quand les prédicateurs sont envoyés, il faut vraiment faire attention. Ils ont les armes offensives et défensives. Vous allez voir dans ce chapitre 13, il va faire confrontation avec Bar Jésus. Là, commence le monsieur Elimas. Vous connaissez des questions. Quand il va faire abstention, enfin obstruction à la parole, le Saint-Esprit va se manifester, le rendre aveugle. Tout ce qui va se passer maintenant à l'issue de cet envoi-ci, le Saint-Esprit est derrière parce que dans cet ordre-là, c'est son agenda à lui. La ligne est tracée par lui. Tout ce que la peuple va rencontrer là-bas, c'est selon lui. Au chapitre 13, donc là, puisque nous sommes allés au verset 51, si vous regardez le verset 48, lorsque la Bible déclare que quand ils vont les chasser comme ça, là, les païens, en entendant cela, vont se réjouir et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc il y avait des gens là-bas dans ce coin-là qui étaient destinés à la vie éternelle, dont Dieu envoyait par le Saint-Esprit envoyé l'apôtre Paul et Barnabas pour aller les chercher. C'est ça dont c'est les questions. Par là, ils vont quitter à Icône, ils vont défendre à Lystre, ils vont trouver là-bas à l'Icaonie un homme paralytique là-bas au chapitre 14. Donc ce sont les gens envoyés par le Saint-Esprit, commissionnés par lui. Vous pouvez également lire le chapitre 10 de Matthieu à partir du verset 40 et 41. Comment il dit, si quelqu'un vous donne ne serait-ce qu'un verre d'eau parce que vous êtes mes disciples, ne perdra point sa récompense. Celui qui vous écoute m'écoute. Parce qu'il faut qu'il les envoie d'abord. C'est pour cela que les prédicateurs doivent être envoyés. S'ils sont envoyés, ah mon Dieu, mon roi. C'est terrible. Des questions? Le frère Pierre. Finissons avec le frère Pierre. Oui, en fait, moi, la dernière question, c'était par rapport, parce qu'ils sont entrés dans des maisons, mais c'est toute la ville qui est suivie, en fait. Voilà, en fait, c'est toute la ville qui sera pénalisée. Mm-hmm. Oui, c'est ça, je veux savoir, c'est-à-dire que... En réalité, n'est-ce pas, voici l'une des... Oui. Où est le frère Achille, depuis, il entend plus le frère Achille, là. Tout à l'heure, il a posé la question par rapport à... au chiffre 9 et au de là-bas, c'est répétition qui arrive là-bas. Et je vous ai dit quelque chose que le moment va venir vous près. Voilà l'état de ces choses-là. Lorsque vous lisez dans les Saintes Écritures, il faut vraiment faire attention. Parce que là, tu as lu dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 11, on dit lorsque vous ne recevrez pas, on dit secouer la poussière de cette ville. Maintenant, quand tu vas lire ce même passage dans Matthieu, chapitre 10, allons-y au verset 14 de Matthieu, chapitre 10. Tu vas maintenant voir que l'explication, c'est que la conclusion que tu voulais tirer ici était hâtive. Matthieu chapitre 10, verset 14. On y va, frère, tu peux lire donc déjà. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Vous avez vu cela, non? Donc, vous voyez effectivement que c'est la maison maintenant qui peut rejeter ou bien la ville peut rejeter. Tu as vu que cet aspect, ça ne se trouve pas dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 11, n'est-ce pas? Amen. Donc, chaque fois, donc, désormais, quand vous voulez lire quelque chose, pour amener cette chose à la compréhension véritablement, il faut essayer de retrouver les passages qui en fait état et les voir en entier. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans tel domaine et que dans tel autre domaine, on n'en a pas fait mention. Donc ici, on voit effectivement que dans ce Matthieu chapitre 10, verset 14, au verset 13, il est dit en haut, plus haut, que s'il se trouve dans une maison, quelqu'un qui est digne de vous recevoir, entrez et demeurez-y. Si la maison en est digne, de que votre Père vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Et lorsqu'on ne vous recevra pas, vous voyez comment le Seigneur introduit la chose. Donc, il dit, la maison peut vous recevoir, ou bien peut vous rejeter, ou bien la ville peut vous recevoir, ou bien peut vous rejeter. Donc, c'est ce qu'il en est. Ça va maintenant faire prière? Amen. Ça va bien. Merci. Qui voulait encore parler là? Frère Junior. Oui. Je voulais compléter par rapport à cette question-là pour comprendre aussi mieux. Ça veut dire que secouer cette poussière-là, ça, tout ça doit être toujours conduit par le Saint-Esprit. Parce que sachant comment nous, les hommes, nous sommes, tu peux t'énerver même pour rien et faire ce geste-là. Ça veut dire que normalement, au fond, ça doit être toujours guidé par le Saint-Esprit. Mais nous voyons effectivement que l'apôtre Paul a fait ça. Quand nous disons Actes chapitre 13, nous voyons que c'est ici la fesse là. Et on a dit que toute la ville était tellement remue au point où il y a eu des tractations. Mais ce n'est pas seulement là-bas qu'il va avoir ces tractations-là. Tu vois, il y a eu beaucoup de tractations, même à Corinth, si vous lisez à chapitre 18. Il est resté là-bas, on a voulu le tuer jusqu'à ce que le Seigneur Dieu a dit que reste dans cette vie-ci, ils ne te feront rien. Il est resté là-bas pendant plusieurs années, plus d'un an, au point où tout l'Asie a écouté la parole du Seigneur. Donc vous voyez effectivement, malgré la persécution qui était là-bas, on a dû le lapider un de ces jours, il ne s'est pas levé prendre la poussière. Donc vous voyez effectivement que même la poussière des pieds pour tracer le signe de la signature, c'est pas le Saint-Esprit. Quelle église on doit avoir là? Amen. Ouais, n'est-ce pas? Donc c'est pas à tous les coups, pas comme les pasteurs d'aujourd'hui qui disent que tu t'amuses avec moi, c'est serviteur de Dieu, parle à Dieu, tu sèches. Non, c'est pas comme ça. Des questions, mes frères? Frère Junior. Oui, mon frère Yannick. Oui, j'avais une question en fait dans le livre de 1 Timothée 3. Oui. Vers la fin, on parle du mystère de la piété. Oui. J'aimerais savoir en fait, d'autant plus que ça se positionne à la fin de ce chapitre. Mm. Et quand je lis ce qui vient avant, je voudrais en fait savoir ce que c'est en fait le mystère de la piété. Parce que c'est écrit, le mystère de la piété, à partir du verset 16. Mm. Et il y a les deux points. Dont les deux points signifient que ce qui vient après, c'est l'explication. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire en fait. Donc on dit quelque chose codé, on explique, tu ne comprends pas ce qui est codé, tu ne comprends pas l'explication. Oui. En fait, avant cela, on parle des hommes de Dieu, de comment ils doivent se comporter. Oui. Et après, à la fin, on parle du mystère de la piété. Mm-hmm. Non, mais avant ça, au verset 15, on parle de l'église comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Comment faut se conduire dans cette église-là, n'est-ce pas? Ouais. Mm-hmm. Bon, c'est ça, ça a un relation. Et à la fin, on parle. Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, vu de l'esprit, n'est-ce pas? Voilà. Quelle est la question? Voilà. Tu veux savoir celui-là, le mystère. En fait, je ne comprends pas ce que ça veut dire justement, ce qui vient après. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Là, je vais te poser une question maintenant. Connais-tu les gens qui essaient de prêcher même sur YouTube pour dire que Jésus n'est pas Dieu? As-tu déjà vu les vidéos? Des gens qui prêchent pour dire que Jésus n'est pas Dieu le Père. Même si vous faites n'importe comment, il n'est pas Dieu. C'est un blasphème. Si vous faites ça, c'est la quatrième dimension et autres là-bas. Tu as invité des personnes prêchées. La musulmane, non. Ah, la sœur Euphorie est sortie maintenant. Sœur Euphorie, tu sors d'où là maintenant? Tu as vu, toi? Oui. Voilà. En fait, je suis en train d'expliquer quelque chose. Dans un autre enseignement sur Bamba Iba, j'en ai parlé. Le titre, c'est les mystères. J'en ai fait état. Vous allez remarquer, j'ai fait lister tous les différents mystères dont la Bible parle. Dans le Romains chapitre 11, le verset 25, on parle du mystère du dévoilement d'Israël et du rachat. Si vous lisez le chapitre 11, suivez attentivement. D'abord, lis le verset silencieux dans ta Bible et puis je vais dire quelque chose avant d'avancer. Verset 16. Un passage, c'est 3, verset 16 dont tu parles. Lis ça dans ta Bible. Verset 16. Alors, je lis au nom du Seigneur. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Bon, je pose la question. Qui a été prêché aux nations? Dieu. Qui a été prêché? Qui est-ce qu'on prêche dans le monde? Jésus-Christ. Ça commence à poser problème. Qui est-ce qu'on croit en qui dans le monde? À Dieu. Vraiment, hein? Qui est-ce qui a été élevé dans la gloire? Jésus-Christ. Jésus. Lis le même verset dans ta version, le frère Christian. Il arrive. Bon, il n'a pas encore ouvert. Le frère Pierre, lis dans ta version, voir le temps qu'ils cherchent dans leur version. Est-ce que vous pouvez me redonner la version, s'il vous plaît? Non. C'est quelle version? Non. Le verset. 1 Timothée, chapitre 3, okay. Verset 16. Bon, dans ma version, je l'ai. Toute écriture. Non, tu es dans 2 Timothée, frère. Tu es dans 2 Timothée, chapitre 3. Le frère Christian, comme tu es leader, lis déjà. Après le frère Mamadou aussi lit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Merci. Même version. Même version. Frère Mamadou, lis dans ta version. Je lis. Et tout le reconnaissait, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit. Mmh. Il a été vu des anges proclamés parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Mmh. Il a été élevé dans la gloire. Amen. La sœur Laetitia, lis dans ta version. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Merci beaucoup. Maintenant, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous avez constaté sur la version de Laetitia? Prêché aux gentils. Non. Qu'est-ce que vous avez constaté? Celui. C'est lui. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de travailler dans l'Apocalypse avec celui, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici, on a des problèmes dans sa version. Le frère Mamadou, il y a un enfant qui crie chez toi là. Daigne fermer le micro. Vous voyez que dans différentes versions que vous avez lues, là-bas, c'est écrit clairement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été, vous avez vu, n'est-ce pas? Ça commence par Dieu. Et vous regardez la version grecque. Dans la version grecque, dans l'original, c'est écrit Théos. Donc, normalement, on devrait traduire littéralement Théos par Dieu. Donc, votre version qui avait traduit Théos par Dieu, c'est exactement cela. Maintenant, on dit que Dieu a été manifesté en esprit. Vous voyez? Maintenant, dans la version de la sœur Laetitia, c'est écrit... en chair. Comment? Manifesté en chair. Manifesté en chair. Voilà. Donc, dans la version de Laetitia, il dit que c'est lui qui a été manifesté en chair. Quand on dit c'est lui qui a été manifesté en chair, vous posez la question tout naturellement, c'est juste qui a été manifesté en chair. Mais c'est parce que l'original dit. L'original dit clairement que Dieu a été manifesté en chair. Donc, en lisant que Dieu a été manifesté en chair, on comprend que la personne qu'on a prêchée dans le monde, qui est crue parmi les nations, qui est élevée dans la gloire, cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, pour cela, voici pourquoi c'est un mystère. Parce que les êtres humains ne parviennent pas à comprendre que le Créateur qui est au-dessus de tout puisse être parmi les créatures au point où on l'a tapé. D'où tout ça des doctrines des pharisiens et en plus des musulmans. Enfin, les musulmans, mettons les côtés. Parmi les peuples dits chrétiens, quelqu'un dit, non, vous pensez que Jésus lui-même était Dieu. Il a dit, t'étais le Saint de Marie, il dormait, il était fatigué. Dieu n'est pas assujetti à cela. Or, il a pris la condition humaine. C'est en cela qui fait qu'il soit le Dieu Tout-Puissant. Parce que le Dieu Tout-Puissant peut se rendre, il peut même devenir même le bananier tout en contrôlant tout l'univers et que rien ne change de sa puissance. Et donc Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Maintenant dans le livre de 2 Jean, la Bible déclare que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, allons-y, 2 Jean, ouvrez. Wow. Ouh, frère. C'est pas ma soeur. C'est magnifique, je te dis, c'est magnifique. 2 Jean. Le frère Yannick, tu y es déjà? Oui, 2 Jean. Lis le verset 7 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Mm. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Stoppons là-bas. Vous entendez ce qu'on a dit là? On dit que les séducteurs sont venus dans le monde et ne déclarent pas que publiquement, c'est-à-dire qu'ils ne confessent pas dans l'autre version, que Jésus-Christ est venu en chair. Mais que veut dire, c'est quand même terrible. Que veut dire Jésus-Christ est venu en chair, s'est manifesté dans la chair? Que veut dire s'il est manifesté? Oui. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'il y a un bruit quelque part. L'esprit est venu. Oui. L'esprit est venu se manifester en chair. C'est l'esprit qui agit. Dont la personne dont la Bible parle dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. La parole s'est fait chair. C'est fait chair, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, on dit que cette personne-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne ordinaire comme nous autres, c'est quelqu'un qui était dans notre dimension, qui s'est manifesté dans une chair. C'est pour ça que c'est explicité dans 1 Timothée 3, verset 16, que c'est un mystère. C'est désagréable. En bougeant, souvenez-vous, quand vous avez le micro proche de votre habit, quand vous bougez un peu, ça grisouille. Là. Donc, le mystère de la piété est grand. On va venir par rapport à la piété. C'est quand tu bouges un peu, ton micro bouge. Donc, c'est mieux. Ferme ton micro. Vidéo, ferme ton micro. La sœur Laetitia, ferme ton micro. Je crois qu'il faut que la sœur aménage le coup de micro. C'est chez toi que ça fait là. Ton micro n'est pas fermé. Vous entendez ce son là également? Là, on t'entend mieux, là. Mais vous entendez le son que ça fait, là, hein? Oui, ça grésille. Nous entendons, ça grésille. Oui. Donc, c'est la salle est-il, sa communauté est ouverte? Eh non, peut-être qu'on n'entend pas. Vous voyez, là maintenant, ça s'est arrêté, vous avez vu, donc. Alors, donc, je t'en ai dit, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Le mystère, c'est ce que Dieu s'est manifesté en chair. Et on dit dans ces sud-là que c'est lui, que c'est même Dieu-là qui est un message, qu'on prêche dans le monde, qu'on croit dans le monde. Et c'est Dieu-là qui est manifesté, et tel en sens qu'après, il est venu dans la sœur et qui ton micro. La seule chose à ton micro n'est pas coupé. Le frère Yannick, vas-y. J'aurais souhaité développer. Là, on n'a pas fini le livre des deux gens. C'est désagréable de l'autre côté là-bas. La piété en elle-même, en fait, ce qu'on doit saisir ici, c'est quoi? Quand on dit le mystère de la piété, c'est que la piété, si on s'arrête à piété, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'on a saisi à ce niveau, en fait? La piété, c'est Dieu, c'est la façon de marcher. En fait, je cherche, en fait, ce qui est la révélation, là, à ce niveau. C'est pour cela qu'il devait expliquer d'abord par rapport à la personne. Pourquoi ça s'appelle le mystère de la piété? Pourquoi piété, en fait? Parce que la piété, c'est l'ensemble de ce que Dieu voudrait. J'arrive. Il y a le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité aussi, qui est le contraire même de la piété. Tu vois? Donc, il faut qu'on finisse avec cette personnalité s'y manifester en chair. Il y a des, quand on parle de mystère, ça veut dire que c'est le secret. C'est chez la seule, c'est ça que ça fait ici. C'est chez la seule, c'est parce qu'elle a de bouger là-bas. Voilà maintenant la soeur Anne également qui est venue avec sa part maintenant, avec le vibreur là-bas. C'est pas chez moi, mon frère, mon micro est coupé. Non, c'est chez toi que ça bouge là. Pourtant. Bon, coupe le micro maintenant. Alors, franchement, je peux pas avancer aujourd'hui. Nous sommes à près de 2h30 minutes maintenant, c'est bon. Voilà. Vous voyez la soeur, ça bouge toujours là. On peut avancer là, vraiment. Le frère Yannick lit donc le verset 7, le verset 7 à 11 là, avant qu'on parle. De quel livre, s'il vous plaît? Nous étions dans deux gens. Deux gens. Deux gens. Ce n'est pas fluide, il ne parle même pas bien parler. Verset 7. 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez en une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Quelle est la doctrine que si quelqu'un vient dans notre maison et ne l'apporte pas, la Bible nous déclare clairement que si on ne le chasse pas de chez nous, on a de participer aux mauvaises œuvres. Quelle est cette doctrine? Et bien que vous lisez, vous-même vous répondez. L'Antichrist. La doctrine de l'Antichrist, c'est ce qui est écrit là-bas. Non. C'est de ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est sûr. Parce que tout le monde l'appelle Seigneur. Parce qu'il a dit que même il y a des gens qui vont l'appeler Seigneur et ils ne vont pas rentrer. Que Jésus en chair. Que quoi, mes chers? C'est Laetitia. Hein? De ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu manifesté en chair. Vous êtes d'accord, le frère Guy Richard, vous êtes d'accord? Oui. Le frère Achille, tu es d'accord exactement aussi? Oui. Alors maintenant, donc, dans la Bible dit clairement que si vous croyez au Seigneur Jésus, sachez que vous avez cru en lui et c'est un mystère. La façon de vivre même la vie, la foi de Dieu, c'est un mystère. Parce que vous avez cru en celui qui s'est fait chair pour venir dans le monde et vous avez cru en lui et il a été élevé dans la gloire, que c'est lui qui est Dieu. Et la Bible déclare ici que faites garde, prenez garde parce que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ces séducteurs-là, l'une des principales doctrines, c'est qu'ils ne confessent pas que Jésus est le Dieu venu dans la chair. Il est celui qui est tel là, sachez que c'est l'Esprit Antichrist qui l'anime. Et si vous le recevez, vous participez à ses mauvaises œuvres. Qu'est-ce que vous en dites ce matin, France dans la sainteté? Il y en a plusieurs. La question que je voudrais, ce que je veux savoir, c'est le recevoir dans quel sens? C'est-à-dire le recevoir, c'est-à-dire partager avec lui ou bien juste le recevoir dans une maison comme ça? Vous savez que vous pouvez écouter la musique d'un musicien. Vous aimez avec vous. La communion, vous n'avez pas besoin d'aller au conseil. Il suffit d'avoir le CD chez toi et puis tu écoutes, tu as la même communion d'esprit que lui. N'est-ce pas, mon cher? Donc, si tu as le CD des musiciens dans la maison, tu es en communion d'esprit avec lui chez toi. N'est-ce pas, mon cher? Oui. Grave, encore si tu pars dans son conseil, tu dis que salut tel musicien. C'est quelque chose de très grave. Que Dieu vous bénisse. Donc, alors, ça veut dire que clairement, si quelqu'un renie que Jésus-Christ est Dieu venu en chair, qu'il le veuille ou pas, qu'il confesse autre doctrine encore, que ce soit bien, la Bible déclare qu'il est animé par l'esprit antéchrist. N'est-ce pas, mes frères? Il ne sait pas pourquoi ça dit. Donc, mon frère, ça veut dire que les catholiques, alors, sont dans cette... puisqu'ils disent Dieu le Père, cas, Dieu le Fils. En tout cas, tous ceux qui vont entendre, vous entendez la voix de Laetitia, c'est elle qui a dit que les catholiques. Donc, je sais, aujourd'hui, pas citer quelqu'un. Aujourd'hui, ici, la Bible. Donc, on retient que la soeur Laetitia a dit que les catholiques ont l'esprit antéchrist. Qui d'autre encore peut parler? Non. Attends, donc tu veux les dédouaner maintenant, tous ceux qui n'ont pas l'esprit antéchrist, c'est ça? Je pose la question, je vais être édifié là-dessus. Tu poses la question que ça saute plutôt de ma bouche, quoi. Quand on arrive là, frère, il faut qu'on regarde d'abord l'idolâtrie dont ils font objet qui est interdit dans la Bible. Non, dans cet aspect, si on ne parle pas de l'idolâtrie, on a d'abord dit, le verset dit clairement, on n'a pas dit que vérifier d'autres doctrines, si d'autres doctrines sont bien et que l'autre si est mauvaise, c'est quand même acceptable. On a dit que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ici dessus. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Et on dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison. Car celui qui le soit, et que, ou bien lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. Et donc, Jésus-Christ est Dieu non, manifesté en chair. C'est lui le frère. Oui. Frère. Yes. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on comprend l'efficacité même de l'esprit. Parce qu'il n'y a que celui qui est possédé par l'esprit de Jésus qui peut confesser cela. Vraiment, hein? Tu es sûr? Non, oui, il n'y a que celui qui a l'esprit de Christ qui peut confesser que Christ est Dieu. Les démons savent exactement qui il est. Tu crois que les démons ont le Saint-Esprit? Non, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils confessent que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Ils le connaissent très attentivement. Ça veut dire quoi alors? Finalement, les gens, même ceux qui peuvent confesser, cela peut être faux alors. Il y a les catholiques, les prêtres catholiques disent même que Jésus est Dieu. Avant de dire qu'il y a même une partie, c'est une partie de Dieu, Dieu préexistentiel, ainsi de suite. Ils disent que Jésus est là, Dieu. Là, tu as parlé des catholiques. Voilà. Non, mais là, je parle de ceux qui... Non, je parle en bien d'eux parce qu'ils disent que Jésus est Dieu. Frère, je parle de ceux qui ont l'esprit de Christ. Oui, si tu as l'esprit de Christ, tu vas confesser Christ naturellement parce que le Saint-Esprit conduit les gens vers Christ. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, on a ceux qui ont l'esprit de forcément. Le prophète nous dit que d'autres peuvent confesser. Donc cette confession, si je comprends bien cette confession, ce n'est pas une confession du bout des lèvres. Voilà. Bah, vous pouvez discuter avec quelqu'un, il dit que non, je crois que jusqu'à Dieu, mais au fond, il ne croit même pas. Il te dit seulement pour te satisfaire. Et là, il ne dit pas selon l'esprit, frère. Exactement. Comment tu vas savoir qu'il va dire selon l'esprit alors? Puisque la Bible déclare que. Parce que l'Esprit de Christ va attester cela. Vraiment, tous les enseignements. Parce que l'Esprit de Christ connaît toutes choses. Il y a des satanistes qui peuvent enseigner les vrais enseignements plus que les chrétiens. Et que ce soit aligné avec la Bible. Oui. Oui, mais l'Esprit de Christ va me faire comprendre que celui-là, il n'est pas de lui. Puisse le Saint-Esprit faire comme ça pour toute l'Église alors. Amen. Parce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il est écrit. Nous sommes dans 2 Jean. Allons-y dans le livre de 1 Jean. Rentrons dans 1 Jean. 1 Jean. J'ai une question avant de. Oui, on finit avec 1 Jean là et on revient avec toi, Guy Richard. C'est dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Qui va nous dire 1 Jean chapitre. Le frère Guy Richard, ta connexion n'est pas bonne, ta voix n'est pas bonne. Donc, le frère Yannick Lee, oui. Donc, nous sommes dans 1 Jean, verset 5. Chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable a la vie éternelle. Non, c'est lui qui est le Dieu véritable et a la vie éternelle. Non, lis ce qui est écrit là-bas. La vie éternelle. Non, lis. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Donc, celui-là est mis pour qui? Pour Jésus. Donc on dit là-bas que Jésus est quoi, mon frère? Celui qui a lu là. Il est Dieu. Il est Dieu. Non. Relisez ce que vous voyez. Ne dites pas n'importe quoi. On dit qu'il est quoi là-bas dans ces versets-là, mon frère Yannick, toi qui as lu. Oui. Il est Dieu. Non. Lis ce que tu vois. Le Dieu véritable. Pourquoi vous baissez ses attributs? Jésus-Christ est le Dieu véritable. Si vous ne voulez pas, brûlez vos Bibles. Même si vous brûlez vos Bibles, il est quand même le Dieu véritable. Donc quand vous dites que le Yahweh dans ce testament, vous dites n'importe quoi, l'Éternel, c'est lui dont vous parlez. Mm-hmm. Tout à fait. Donc quand on dit Dieu, comme le témoin, on peut dire que c'est un grand, c'est un petit Dieu, il y a un grand Dieu. On dit le Dieu véritable. Vous cherchez le vrai Dieu, c'est Jésus dont il est question. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, comme c'est érigé en mystère, comme je vous ai dit, et dans cet enseignement sur les mystères dont on a parlé, tout mystère doit être dévoilé, doit être révélé. Quand c'est enveloppé, il y a toujours des chamboulements. Il y a le mystère de l'aveuglement d'Israël, le mystère de la chute et la réintégration et l'intégration des païens. Vous remarquez très attentivement que le mystère de la chute d'Israël est prophétisé. Le mystère d'intégration des païens est prophétisé. Les musulmans, eux, ils disent, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, allez seulement vers les brebis égarées des enfants d'Israël, que ce sont seulement les enfants d'Israël que les gens devaient, chez qui les enfants devaient prêcher. Qu'il n'y a pas un seul verset biblique qui dit que les disciples devaient aller dans les nations. Ça, c'est pour présenter Mohamed comme le prophète qui devait venir parmi les nations, qui devait être l'annonçateur dans tout comme un avertisseur dans tout l'univers entier. Vous voyez, effectivement, donc, c'est bien dit. C'est parce qu'il y a un mystère derrière. Le mystère, c'est quoi? Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, la Bible déclare au chapitre 1 d'Éphésiens, à partir du verset 10, la Bible déclare que ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Voilà le mystère. Sont co-héritiers avec Christ. Participent à la même promesse. Vous voyez, voilà un mystère, c'était voilé. Il dit, c'est quelque chose que Dieu avait caché en lui-même, dont les prophètes ne faisaient pas état. Sinon, pour cela, quand l'apôtre Pierre est allé chez Cornelius, quand il est revenu, on lui a fait des reproches que tu es entré chez les païens et que tu as mangé avec eux, ce qui est interdit chez les juifs. Ils ne connaissaient pas le mystère. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 13, la Bible déclare qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient proches, la paix à ceux qui étaient loin. Et il dit, par son corps, là, par la croix, le sang de sa croix, il a brisé, renversé le mur, la séparation. Briser l'imitié, de telle sorte que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Donc le mystère de l'intégration des païens, c'est le fait que les païens intègrent dans le corps ceux qui invoquent le nom du Seigneur étant hors du peuple juif, c'est un mystère. Dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, c'était terrible à Jérusalem lorsque les gens ont entendu que le Dieu d'Israël était apprécié, loué et adoré au nom et par la langue des païens. C'est pour ça que ça avait chamboulé tout Jérusalem. Parce qu'on savait que le Dieu Israël était chanté uniquement en hébreu. Et là, se trouvent des peuplades qui venaient à Jérusalem et ils entendaient chanter dans leur propre langue le Dieu d'Israël. C'était terrible parce que ça ne se faisait pas. Donc, vous voyez que c'est un mystère. Maintenant, il y a le mystère de la chute d'Israël. Le pourquoi Israël a chuté. Dans Romains chapitre 11, dans le verset 25, l'apôtre Paul écrit, je vous dis, voici frère, je vous dis un mystère. Il dit clairement, je vous dis un mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Il dit, c'est que tout, que Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez, donc ce mystère, c'est que Dieu a mis de côté, quoi, en pause Israël dans la chute pour pouvoir permettre aux non-juifs d'entrer. Lorsque la totalité des païens, ceux qui sont destinés pour la vie éternelle, vont entrer totalement, il va encore fermer chez les païens maintenant, il n'y aura plus de rédemption là-bas. Il va se tourner dans d'Israël pour déverser sur eux l'esprit de grâce et de supplication pour qu'ils tournent maintenant le regard vers lui. C'est ce qu'il a fait dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, verset 1 à 8. D'accord mes chers? Donc il y a des mystères comme ça dans la Bible. L'autre mystère, donc, c'est le mystère de l'iniquité. La Bible déclare que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui soit que celui qui le bloque soit enlevé afin qu'il se manifeste. C'est pour cela qu'il y a des suppositions. Chaque fois qu'il y a des mystères dans la Bible, il y a toujours des suppositions tout autour. Et si c'est un mystère, Dieu ouvre et dévoile ces mystères au travers de ses prophètes. Vous devez savoir cela. Il ouvre ses mystères par les prophètes. Et donc, s'il a voilé par les prophètes, il doit ouvrir par les prophètes. Ah, j'aime ça. Il ouvre par les prophètes. Donc, ça veut dire que si le mystère n'est pas dévoilé, tout ce que vous pouvez faire tout autour, ce sont des suppositions. Vous voyez, on dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. L'homme impie doit être dévoilé. Donc, il peut être au milieu de vous, mais vous ne savez pas qui il est là. Vous ne savez pas qui il est. Il faut que le Saint-Esprit désigne que l'eau, voilà, c'est telle personne. Vous pouvez seulement supposer en donnant des différents trucs, en disant que non, non, non. Alors maintenant, quand Jésus est né, il était prévu de lui qu'il naisse. Dieu venu dans la chair. N'est-ce pas? Il était né jusqu'à ce que tout Jérusalem a entendu qu'il était né. Mais il les a voilés au point où il a grandi. Il était au milieu d'eux. Il ne pouvait pas savoir qui il est. Pourtant, il savait qu'il était né. C'est un mystère. Il faut qu'il se révèle seulement. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 11 qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il les a révélées aux enfants. Amen. Donc le mystère de la piété, c'est pour que vous puissiez vivre la vie de Dieu, il faut que vous soyez révélés même de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ça vous soit dévoilé. Ça ne vous a pas dévoilé, même ces doctrines, vous ne comprendrez même pas. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Emmanuel, dont la personne qui est bavardée là-bas, le Père qui a créé toutes choses, s'est trouvé dans un voile. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes de payer leur iniquité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Philippe, depuis que je savais que tu ne m'as pas connu, comment cherches-tu à voir le Père? Tu cherches quel genre de Père? De quoi tu parles que le Père soit en moi et que moi je suis dans le Père? Amen. Il est l'empreinte de sa personne. Amen. Voilà. Amen. Je suis à vous. Là, au moins, il y a l'ambiguïté. Il dit exactement qui il est dans ce passage. Et je ne comprends pas pourquoi ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, ce passage-là, je ne sais pas comment ils ne comprennent pas ça. Parce que là, il le dit clairement, en fait. Non, quand on veut comprendre quelque chose, comment peux-tu comprendre donc, que les pasteurs prennent l'argent maintenant de la veuve? On dit que la pauvre veuve a donné plus que toute autre personne. Mais quand tu donnes les pièces d'argent, maintenant, ils refusent de donner seulement les billets de 200 euros. Comment tu peux comprendre? Donc, tu vois que chacun on peut tordre les versets, on fait dire ce que les versets ne disent pas. Mais pourtant, il a dit clairement que ne crois-tu pas que le Père soit en moi. Il n'a pas dit le Père en haut. Le Père soit en moi et que moi, je suis dans le Père. À Nicodème, il a dit clairement que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui fait connaître ces choses-là, alors qu'il a de parler devant de lui. D'accord? Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, mes chers amis. Il est vraiment Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est celui Dieu. Et même si quelqu'un casse sa tête au goudron et passe se jeter même sur les rails ou sur les tramways, il est quand même Dieu Jésus. Si la Bible est retirée aujourd'hui de la circulation, on écrit n'importe quoi. Même si vous trouvez qu'à Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, il est quand même Dieu. Amen. Voilà. Donc même si vous écrivez que Dieu Jésus est son propre Père, même si vous dites que Jésus est ton propre Père, il faut que même si vous dites même sa propre mère, il n'y en a pas de problème. Il est quand même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Voilà. Je crois que c'est clair. Le frère Achille se moque de moi là maintenant. Y a-t-il des questions? Oui, laissons le frère Mamadou parler. Il était musulman. C'est eux qui disent que Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de fils. Oui. Je suis convaincu. Oui. Mais en fait, je voulais poser une question. Oui. C'est pour reconnaître ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Absolument. Normalement, on reconnaît que c'est le vrai Dieu. Il doit te révéler. Mm-hmm. Oui, il va te révéler. Mais et les pasteurs qui font croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Là, je te pose la question. Qui les a appelés? Ah, c'est une question. Parce que la Bible déclare que celui qui est appelé de Dieu dit les paroles de Dieu. Ça m'étonnerait que le Saint-Esprit donne les paroles contraires des paroles de Dieu à quelqu'un. 1 Timothée chapitre 3. Ou bien 2 Timothée chapitre 3. Que Dieu Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Amen. Oui, frère. Oui. 2 Timothée, crois, à partir de quel verset? Ma Bible est déchirée ici. Verset 3 à 6. D'abord, puis on va au chapitre 4. Sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateur, intempérant, cruel, haïssant les gens de bien, traître, importé, enflé d'orgueil, ami de velouté plutôt qu'ami de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Mm-hmm. Je continue. Verset 6. Oui, hors de ce nombre, ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captifs les femmes chargées de péché et agitées des diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. C'est bon, j'arrive avec le même que j'embrasse. Non, ça va. Il n'y a pas de point chez toi, mon frère. Donc, j'arrive avec les femmes chargées, ce qu'on envoie dans la maison pour les captiver. Mais regarde bien, on dit que ces gens-là ont l'apparence de la piété. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. Puis on dit qu'ils entrent dans les maisons, donc ils marchent pour prêcher. Ils peuvent entrer dans votre maison, ils captivent, ils choisissent de tuer les femmes. Pour dire, alors chapitre 4, les retrouver. Verset 2 à 5. Qui peut le faire, Yannick? Attends, frère Yannick, lis, s'il te plaît. Chapitre 2 Timothée 4, verset 2, c'est ça? Verset 2 à 5. Et puis on vient au chapitre 1 Timothée. Ok. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bon, je pose donc la question. Ici, on dit qu'il y aura des foules de docteurs qui vont enseigner ce que les gens veulent entendre. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Pendant ce temps, quelqu'un sera en train de faire l'œuvre de l'évangéliste. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et on dit que c'est une foule de docteurs. Je veux que tu me dises là où les docteurs sortent en foule, parce que Dieu, lui, n'envoie pas les gens en foule. Lui, il était sur la terre, quand il est venu sur la terre, lui-même, il a choisi seulement 12 personnes. Ils étaient nombreux comme ça qui le suivaient. Si ça avait été avec la pensée humaine, on dirait non. Comme il a déjà 12 000 disciples, il faut que les envoie 2 à 2 partout pour que le royaume, que les âmes soient gagnées à Dieu. C'est pas ça, mes chers? Mm-hmm. Mais il a choisi 12. À un moment donné, au crépuscule même de sa vie, de sa sortie ici, il a dit que quelqu'un va quitter. Quand sa personne ne va pas quitter, il a dit que vous aussi, vous ne partez pas. Même les 12 venaient les chasser. Et il a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il n'a pas compris quand ils envoient les ouvriers à sa moisson. Mais ici, on révèle qu'il y a une foule de docteurs qui vont sortir. Ils ont dû susciter. La question c'est, ceux-ci viennent, qui les envoie? L'ennemi. Ce n'est pas le Saint-Esprit en tout cas. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas envoyés, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ils auront l'Esprit. Ouvrons le 1 Timothée chapitre 4, cette fois-ci, versets 1 et 2. 1 Timothée chapitre 4. Chez la sœur Anne, le micro est une fois de plus ouvert. Vous allez parler, on vous entend, ça crée des interférences. Attends, je vais te voir. Oui, le frère, verset 1 et 2, chapitre 4 de 1 Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça va long, là-bas. Par l'hypocrisie. Non, oui, par l'hypocrisie des faux docteurs, oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà, c'est bon. Maintenant, donc, plusieurs choses nous sont dites là-bas. dans les derniers temps, on dit que quoi? Les gens vont se détourner pour s'attacher à la doctrine des démons. Les doctrines des démons, les esprits séducteurs. On a d'abord utilisé esprit séducteur. Souvenez-vous, dans le livre des deux Jean, on a lu aujourd'hui qu'il y a plusieurs séducteurs qui sont entrés dans le monde. Donc, ils viennent par l'esprit. Ils sont loin d'un esprit, mais d'une catégorie différente. On dit si on est là pour séduire. Et s'ils doivent séduire, ils ne diront pas le mensonge totalement. Parce que s'ils mentent, on devait dire les esprits de mensonge. Là, ils séduisent parce qu'ils disent quelque chose qui est proche de la vérité. C'est ça la séduction. C'est ça qui cause la séduction, justement. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas l'aspect, quelques aspects de la vérité que quelqu'un va dire que vous allez prendre comme ça. Le Saint-Esprit conduira les gens dans la vérité. Il y a un problème vraiment en milieu chrétien. Il faut que chacun cherche la relation avec le Seigneur. Et puis, vous allez savoir de quoi, de qui est qui et qui fait quoi. Donc, maintenant, chacun maintenant peut prendre la Bible et prêcher, ouvrir sa chaîne de télévision, mettre le drapeau partout et là-bas, mettre un truc bien soigné avec les pupitres en verre, mettre la croix de Jésus-Christ avec le monde qui illumine, avec le Saint-Esprit qui descend sur la forme de colonne. Et dire que Jesus Christ Worldwide Ministry. Comme les gens viennent, comme les gens sont frères, on dit que c'est des dieux. Mais il faut surveiller l'esprit. Oui, mon cher. Oui, je voulais dire, quand on dit même qu'il y a problème en milieu chrétien, là, moi, je ne pense même pas qu'il y a vraiment problème en milieu chrétien. Dans la mesure où il dit que nul ne peut venir à moi si le Père au préalable l'a attiré à moi. Oui. Et c'est que celui qui vient en Christ ne peut pas se démettre parce que c'est la puissance de Dieu. Ça serait un peu amoindrir notre Dieu, quoi. Parce qu'il est tellement puissant que quand tu as lui, tu ne peux plus te détourner. Tu vois un peu. Oui. Donc moi, je me dis même que, quand je dis même que problème milieu chrétien, moi, j'ai un peu du mal, parce que il y a peut-être ce mélange qu'il y a, mais dit que problème vraiment milieu chrétien, là, je crois que c'est parce que c'est pas des gens qui ont été appelés vraiment. Bon, frère Christian, oui. Le pape François est chrétien. Non. Tous ses ouailles sont chrétiens. Non, ils ne sont pas chrétiens. Tu peux aller dehors, tu leur dis que vous n'êtes pas des chrétiens. Hein? Ouais. C'est dedans, mais je me suis recommandé, je le dirai. Non, tu peux le rencontrer, tu veux le dire ça directement. Si je le rencontre, je lui dis. Oui. Non, je vais seulement le reprendre sur la pratique qu'il fait. Pour dire que ce n'est pas conforme à la parole que Jésus a prêchée. S'il prêche tout ça et qu'il le pratique désormais maintenant, il devient chrétien. Non, non, il faudrait que ce soit le Père qui l'a dit. C'est pas moi qui convertis, c'est Dieu. Arrête, supposons que le pape dit aujourd'hui que pardon, changeons tout cela, vivons maintenant la parole de Dieu, il enlève tous les idoles de Marie, là, il devient chrétien, là, par ces coups-là. Non, non, non, non, je ne pense pas, non, c'est pas comme ça. Même si tu dis maintenant qu'il ne pratique pas ce qu'il a la parole, ça ne fait pas de lui un chrétien, n'est-ce pas? Non, non, non, non, pour moi, il est tout païen. Il faut que Dieu l'appelle. Les témoins de Jéhovah sont chrétiens. Ah non, non, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Dans la mesure où personne ne peut. On a vu tout à l'heure que si quelqu'un ne confesse pas Jésus-Christ comme Dieu, franchement. Ça est arrivé. Les personnes qui prêchent sur YouTube en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, sont-ils chrétiens? Non. Il y en a qui peuvent être dans l'ignorance. Ah, ça commence à arriver maintenant. Donc, tu vois qu'il y a un problème milieu chrétien, n'est-ce pas, frère Christian? Oui, le problème, oui, à ce niveau-là, au niveau de la compréhension, des Écritures, je suis d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que parmi ces gens dont nous sommes de parler, il y aura les gens qui ne confessent pas Jésus-Christ comme venait en chair, mais qui ne sont pas ennemis de l'esprit antichrist, mais ils sont encore dans l'ignorance, peut-être parce qu'ils ont été séduits. Et donc, Christ va se révéler, ils vont changer de camp. Tout à fait. Voilà. Que Dieu te bénisse. Des questions. Écoutez, pendant que vous réfléchissez à votre question, je vous le dis encore, si ça choque, ça choque. Jésus-Christ, qui était sur la terre, qui est mort à la croix crucifiée là, il est quand même Dieu. C'était le Créateur qui est venu dans la chair humaine pour mourir. Amen. Oui. Amen. Est-ce qu'on va le mettre quand même à côté, frère? Il est Dieu. Il n'a même pas dit quand même à côté. Va dire ça à tes frères chrétiens dont là qui prêchent sur YouTube comme ça. Des questions ici? Des questions? Hein? Oui, oui, j'ai une là. Question. Oui. La soeur Ketia, oui. Oui. J'ai une question concernant la dîme. Oui. Est-ce que. Qui a encore pris ton argent? Non, parce que. En fait, j'ai une confusion par rapport à ça, parce qu'il y a certains prédicateurs qui disent qu'il faut donner la dîme et les offrandes. Donc moi, je ne comprends pas trop ça, en fait. Dieu merci. On a le prédicateur. On va vous regarder ici. Il y a le premier apôtre de Jésus-Christ, c'est Frère Pierre. Est-ce que quand Jésus t'a donné la clé de l'église, tu as prêché sur les dîmes? Sinon, dis-nous maintenant, tu es encore revenu. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il vous plaît? La soeur Kétia ou bien moi? Oui, non, c'était... Bon, c'est une question générale. Hein. par rapport à la dîme et aux offrandes. Est-ce qu'il faut donner la dîme ou pas? Je ne sais pas trop. Moi-même, j'ai. Quelle est la signification de la dîme? C'est en écoutant les enseignements sur Mbamba Iba que j'ai aussi eu les informations sur la dîme. Mais avant ça, je ne donnais pas la dîme, mais je donnais des offrandes. C'est-à-dire que selon que mon cœur me demande de donner. Je pense que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, comme le cœur nous demande de faire de manière libre et de manière désintéressée, quoi, en fait. Bon, après maintenant, quand c'est imposé ou bien quand c'est par rapport à la parole qui essaie de nous manipuler, ça n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Mais sinon, c'est sur Mbamba Iba que j'ai bien compris ce problème de dîme. Donc, je crois que Frère Pierre, tu vas trouver les liens constants. Ces dîmes-là, tu mets là-bas comme ça, elle aura le temps d'écouter doucement les questions qui sont données et les réponses qui sont données. Elle aura le temps de bien assimiler au point où, si elle a encore des questionnements, elle pourra revenir plus tard. D'accord, mon frère. Donc, essaie de trouver le lien, tu le lui donnes. Ok. Des questions. Une dernière question par rapport à ceux qui sont réellement appelés, dont on parlait tout à l'heure. Une petite confusion. En fait, je me demande comment ça se fait, étant donné que nous sommes prédestinés. Comment ça se fait que, je ne sais pas, est-ce que le Seigneur donne donc quand même ses dons à ceux qui n'a pas appelé? Si on prend le cas du fils de la perdition, Judas, il a permis que Judas puisse faire des miracles, il lui a donné des dons. Non, tu as dit deux choses contraires. Tu dis qu'il a permis qu'il puisse faire des miracles, il lui a donné des dons. Il ne lui a pas donné des dons, il lui a donné de faire des miracles. Ce n'est pas le don, d'accord ma chère? Il lui a donné un ministère, d'accord, un service à faire. Les apôtres ne faisaient pas cela par don. Ils le faisaient par ordre, parce qu'il était chrétien. Dans le livre de Matthieu, je ne sais pas si c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, dans la suite de l'envoi, il va dire « guérissez les malades » et autres. C'est derrière ces paroles qu'il partait. Maintenant, étant incorporé dans le corps, il y a le Saint-Esprit qui distribue dans les rôles. Et par conséquent, selon la tâche qu'il lui a accordée, il y a le don spirituel attaché à cela. Donc, il n'y a pas les dons spirituels avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Après sa mort, il ne s'occupe plus dans les dons. Donc maintenant, parlant donc de cela, il peut se servir de toutes les autres manières qu'il a pour appeler à lui, en utilisant même les païens. Nous avons vu dans la Bible comment il utilisait les païens pour prophétiser dans l'autre vie, de donner les sons et l'interprétation même chez les païens. Vous avez vu ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Si vous lisez le livre de Juges, chapitre 7 et chapitre 8, lorsqu'il va envoyer Gédéon va avoir des moments de doute. Il va demander à Gédéon que si tu doutes, descendre au camp là-bas très tôt le matin. Il va descendre avec son aide de camp. En descendant là-bas, il y a un Philistin un Manzanite qui va avoir un songe la nuit. Et il va se lever le grand matin en train de raconter le songe à un de ses voisins encore. Le voisin, en entendant le songe, va dire, quand tu as entendu ce songe-là, ça signifie que Gédéon va détruire notre camp. Et quand Gédéon a entendu ça, il est rentré en sachant que l'Éternel avait livré la main. Donc, vous voyez que le songe était chez le non-croyant. L'interprétation est venue chez le non-croyant. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le don des songes, le don d'interprétation comme le fit pour le cas de Joseph et le cas de Daniel et pour le prophète. Donc, il faut vraiment faire attention. D'accord, ma chère sœur? Frère, je crois que tu as donné un enseignement comme ça pour faire la différence entre le Saint-Esprit sur quelqu'un et en quelqu'un. Exactement. Donc, le Seigneur peut se saisir n'importe qui pour le faire. Selon ce que, écoutez maintenant très attentivement, selon ce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6, que lorsqu'une terre est tombée, sur ceux qui ont goûté au Saint-Esprit, qui n'ont eu pas au Saint-Esprit, ainsi de suite, c'est ça dont il est question. Puisqu'il dit que lorsque le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un, en parlant de la pluie, qui tombe sur un champ et produit de l'herbe, si ça produit de l'épine, ça sera fait pour le feu et que ça se produit de la sémence pour faire du bien à ceux pour qui c'est destiné. C'est de ça dont il est question. Donc, vous pouvez être animé de l'Esprit de Dieu sans être même croyant, sans croire même au Seigneur Jésus-Christ, en donnant même des directions, même par le Saint-Esprit, sans être croyant. Et le plus grave, c'est que, ne sachant pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous utiliser. Parlez de Dieu, là. Des questions? Frère Junior, est-ce qu'aujourd'hui, l'expression père spirituel a son sens? Voilà, bonne question. Où est le frère Christian, là? Frère Christian, oui. Donc, la question est posée. Que voici ce dans ça? Que le père spirituel? Non, père spirituel, le père spirituel que Jésus-Christ. Mais paix dans la foi, oui. Et pourquoi le frère, l'apôtre, par rapport à Timothée, disait, enfin, l'apôtre Paul disait qu'il ressentait les douleurs de l'enfantement. Oui, parlant dans la foi. Enfanté selon la foi. Bon, différent. Là, je pose la question au frère Christian. Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui a enfanté l'apôtre le frère Timothée? Non, quand il dit ici là que je souffre les douleurs de l'enfantement par rapport à l'évangile, parce qu'il dit que là, il prend ça comme saut de son apostolat, oui, en disant que même si vous ne... Hein? Là déjà, il ne parle même pas à Timothée, ça doit lui déjà dans le livre des Galates dont il est question. Donc restant, allons dans le livre des 1 oui. Timothée, allons dans 1 Timothée là. 1 Timothée chapitre 1. Lisons ça, c'est une appellation là. Mais frère Yannick, merci pour cette question, c'est véritablement. Merci. Oui. Versets 1 et 2. Paul, le 1 Timothée chapitre 1. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui. Notre espérance. À Timothée, mon véritable fils dans la foi. Stoppons là-bas. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Allons dans 2 Timothée. Chapitre 1. Chapitre 1, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et à Timothée, mon fils bien-aimé. Grâce, miséricorde et paix. C'est bon là? Il a dit à Timothée qui? Mon fils bien-aimé. Voilà. Allons chapitre, grâce. Allons chapitre 2. Chapitre 2. Verset 1. Oui. Verset 1. Mm-hmm. Pour donc, mon fils, sois fidèle dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voilà. Sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Titre chapitre 1, verset 4. Titre 1, chapitre 1, verset 4. Verset 4. À Titre, mon vrai fils, selon la foi qui nous est commune, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bon, maintenant, nous voyons effectivement. Comment il appelle Timothée? Mon fils. Mon fils. Et il appelle Titre comment? Mon vrai fils. Allons dans le livre Philémon. Courage. C'est tous après, tous après. Oui. Le verset. Verset quoi? Le verset combien? À partir du verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre. Donc il écrit à qui? Il écrit à Philémon et à... Il écrit à Timothée. Vraiment. Il écrit à Philémon. Voilà, je vais que vous cessez d'abord le sang. Maintenant, allons au verset 8. Verset 8 et suivant. C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Christ de t'ordonner ce qui est convenable. C'est désagréable. C'est désagréable chez Laetitia. Laetitia, tu es connecté sur deux réseaux au même moment. Tu as deux connexions et ça dérange. Oui, allons-y. C'est bon, je crois bien, non? C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Christ de t'ordonner ce qui est convenable, cependant, je te prie plutôt par la charité, bien que je suis ce que je suis, à savoir Paul, un vieillard, et même maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je continue? Continue, frère, jusqu'à ce qu'il dise stop. Ok. Je te prie donc pour mon fils Onésime que j'ai engendré dans mes La connexion, la connexion n'est pas bonne chez toi là. Le frère, ah, t'as été autre... oui, ça va mon frère, ça va. Le frère, hein? C'est bon, merci. Le frère Yannick, la connexion est bonne chez toi parce que c'est... Verset 10. La sœur Kétia, coupe ton micro. Coupe ton micro. Oh, c'est pas bon. Kétia, coupe ton micro. C'est parce qu'il y a un retour là. Merci. Verset 10, là, le frère Yannick, écoutons bien encore. Je ne te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. Oui. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Pardon? Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Donc, Onésime, c'est le fils de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, il a eu les enfants, un enfant à la fin de sa vie, c'est ça, non? Il dit qu'il a engendré étant dans les chaînes. Donc, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul s'est marié, n'est-ce pas, mes frères? Non. Bon, 1 Corinthiens chapitre 4, avant qu'on sorte de là, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14, 15, 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4. Frère Christian, ne lis pas ton son, n'est pas bon. Le parti du verset. Le verset 14, 15 et 16. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 14. Oui. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Amen. Amen. Voilà, maintenant, d'après ce que les gens parlent du père spirituel, qu'est-ce qu'ils appellent par père spirituel avant qu'on avance ici, là, maintenant? Moi, je vous pose la question parce qu'il veut dire quelque chose. Qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui en appelant par vous appelez voici mon père spirituel, tu es mon fils spirituel. Qu'est-ce qu'ils veulent par là dire pour ceux d'aujourd'hui? Avant qu'on avance, je vous ai fait d'abord fait lire tout le passage qui en parle pour qu'on avant qu'on avance. Je peux reprendre le frère. Mais j'ai posé la question. Oui, oui. Donc, en fait, ici, là, Paul explique clairement que quand il dit ici enfanté, c'est pas la foi, parce que l'évangile, c'est la foi. Non. La foi, c'est la parole de Dieu. Non. Oui. Je ne veux pas qu'on aille d'abord dans la Bible. C'est pas pour la Bible que j'en ai posé. J'en ai dit ceci. En fait, je voulais qu'on voie deux pensées. J'en ai dit aujourd'hui, quand les gens parlent de père spirituel, voici mon père spirituel, et on est allé même jusqu'à dire que chaque homme de Dieu doit avoir son père spirituel. Chaque enfant de Dieu doit avoir un père spirituel. N'est-ce pas? Je pose la question, quand on dit père spirituel aujourd'hui, bien, voici mon fils spirituel, voici mon père spirituel, on parle de quoi? Il dit aujourd'hui, laissons d'abord la Bible, ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Modèle. Bon, il y en a qui prennent ça pour des modèles, il y en a qui prennent ça réellement parce que dans leurs choses, enfin, déjà ce n'est pas biblique de dire que ça c'est mon père spirituel, ce n'est pas biblique. Mm-hmm. Voilà. Mais ici, les passages que nous avons lus là, c'est ça qu'ils prennent pour présenter. Oui, mais l'interprétation n'est pas la même chose. Alors, donne-nous l'interprétation. Donc, l'apôtre Paul disait que même si vous avez 10 000 mètres, vous aurez toujours un père. Parce que et il explique que c'est lui qui. Parce que, il dit père parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Oui, justement parce que c'est par Paul qu'ils ont appris l'évangile. C'est pas la prédication de Paul qu'ils ont eu accès à l'évangile. Mmh. Il appelle donc tous les Corinthiens dans ses fils. Oui, parce que quelque part, quand il dit fils là, ce n'est pas dans le sens. C'est comment je peux expliquer ça? C'est pas dans la foi. C'est par rapport à l'évangile qu'ils ont reçu de venant que la grâce qui est en Paul par Jésus Christ, ils ont reçu l'évangile. Mm-hmm. Et c'est en ce sens là. C'est la même chose. Que Pasteur dit aujourd'hui que c'est moi qui vous ai engendré. Vous êtes venu ici, c'est moi qui vous ai engendré. Vous avez donné l'évangile. Vous avez grandi. Et c'est moi qui je suis votre père spirituel. Oui, quand il dit non, il n'a pas le droit de dire père spirituel, non, il n'a pas ce droit-là. Il peut donc dire. Déjà, si quelqu'un dit ça, c'est que soit il est ignorant, soit il y a un problème. Bon, vous avez remarqué la façon dont il appelle Timothée, Tite, Onésime, Philémon, ainsi de suite. Tout à fait. Un enfant. Il appelle enfant, mais à un moment donné, il appelle frère sans problème, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais vous avez entendu quelque part les gens, ces gens, c'est vrai qu'on n'a pas les écrits. Vous pensez qu'en écrivant à l'apôtre Paul, il dirait mon père Timothée, mon père l'apôtre Paul? Non. Ah non, non, non, du tout. Mais les gens d'aujourd'hui, quand ils appellent père spirituel, ils attendent à ce que vous appelez papa, daddy, père. Pas vrai? Oui, généralement dans les dénominations, c'est ce qu'on rencontre. C'est clair. Ce que tu dis est clair. C'est, ça existe. Mais soit c'est l'erreur. Soit c'est des camps de concentration. En fait, ce que je suis en train de poser comme question, c'est que vous pensez que qu'est-ce que ces gens veulent vraiment avoir? Qu'est-ce qu'ils veulent présenter en prenant la gloire de Dieu. Ils veulent présenter quoi? Ils veulent voler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Parce qu'ils sont en train de voler la gloire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne présente pas nullement ça ici comme une gloire pour sa personne, pas vrai? Tout à fait. Maintenant, parlant donc de l'enfant, du fait que ce soit enfant, prenons Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 1 à 3. Le frère Yannick, quoi que c'est son son qui est bon, c'est vraiment ces jours, c'est que Dieu te bénisse. Tu vois que comme tu n'es pas là, à l'église, l'on s'est amené ça ici aujourd'hui. Ah, c'est génial. chapitre 16 des Actes des Apôtres, alors versets 1 à 3. Chapitre 16. Ça fait 3 heures et 5 minutes que nous sommes ensemble. Personne n'est fatigué. Ah non, c'est la joie. On va continuer, frère, jusqu'au soir. C'est ça. Acte chapitre 16 à partir du verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans les cieux, dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Amen. Donc vous voyez que là, c'est la première rencontre de l'apôtre Paul avec Timothée. Mm-hmm. Et Timothée était déjà parmi les disciples, n'est-ce pas mes frères? Tout à fait. Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui l'a engendré dans l'évangile? Non, Timothée était un disciple, non. Non. Que Dieu vous bénisse. La fin dans la sainteté, bon dimanche. Frère, ici je voulais juste. Donc je dis bon dimanche. Donc je dis bon dimanche. Une personne qui ne répondait pas. Frère, c'est juste dans la question. C'est bon là, frère. C'était juste pour dire une personne peut t'engendrer dans la foi, mais il est moins âgé que toi. Exactement. Voilà. Donc là, tu ne vas pas commencer à lui dire papa, comme on entend appeler les pasteurs papa. Parce que quelqu'un peut t'engendrer, il a peut-être même seulement 20 ans et toi, tu as 50 ans. Mmh. En réalité, la règle veut que c'est le père qui engendre. C'est simple, aussi simple que possible, d'accord? Frère Junior. Oui. Ce n'est pas parce que Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, du coup, du fait que ce soit l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et eh ben c'est cet esprit-là qui enfantait ces divers apôtres que sont Timothée et les autres. Vu sous cet angle-là, on voit effectivement que en réalité l'être humain ne peut pas engendrer, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit clairement que ce n'est pas la volonté d'un homme nul quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et la Bible déclare que Dieu engendre selon sa volonté. Alors la question c'est qui est en train de parler? Quand il donne l'ordre en écrivant. Bonne question, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. La France dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à dimanche. Shalom, shalom. Bon dimanche. Shalom. Ah, frère, on ne peut pas que ça s'arrête. Vraiment. Il a dû te parler. On a encore des questions, frère. Il J'ai épuisé toutes vos questions. Je n'ai pas épuisé toutes mes questions, hein, frère. Parce que vous voulez d'abord laisser les autres parler. J'ai des questions encore, pas une seule. Tu avais dit que tout était la dernière. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Frère Junior. Frère Mamadou, frère. Une dernière question. Oui, mon frère Mamadou, je t'écoute. Frère Junior, non, je voulais te prendre à côté après, quoi. Oui, à côté. C'est important, ouais. À côté, Jésus. Ouais, c'est important, ouais. Oui, moi aussi. Écoutons la voix. Yeah.